c'est Virginie Schaeffer. Vous me connaissez de Europa Park et l'odeur des vestiaires. Les cacahuètes au Tom Yam vous présentent cet épisode de Radio Stoub. Moi, Virginie Schaeffer, et les cacahuètes au Tom Yam vous souhaitent une saison relevée et épicée, mais pas trop piquante. Les cacahuètes au Tom Yam, c'est bon. Mangez-en. Plein. Au revoir et bon épisode de Radio Stoub. But now we come to a period that I call the battle for identity. I want to go to Chelsea. Oh no, it does not move me. Radio Stoub, saison 18, épisode 8, le bilan de la fin de saison. Fin de saison, forte en émotion, montagne russe, yaourt bulgare, détroit d'Ormuz. Et salade niçoise. Et salade niçoise, et oui. Wow. Une armée mexicaine. Une branlette espagnole. le titre de l'émission, salade niçoise et branlette espagnole, est déjà trouvé. Là, le nombre d'auditeurs qu'on va avoir, on pourra compter à partir de maintenant. Parce que n'importe quoi, on a des auditeurs. Voilà. Pardon. Donc, émission armée mexicaine aussi. On est Eva. Merci. Paolo est revenu. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes surtout. Tu as fait ton retour à la Méno et à Radio Stoub. Ah bah écoute, ça faisait plus de 10 ans, ouais. Alors pas Radio Stoub, mais la Méno, oui. Ça a un peu changé, mais pas tant que ça finalement. Et pas déçu d'être venu. Ah, c'était super. Franchement, j'ai fait Toulouse et Vallecano, c'était deux beaux matchs. Quel show. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Bonsoir. Une voix pas du tout rocailleuse, hein, la maturité. Non, la fin de saison m'a fait grandir. Comme les joueurs. Et le plafond de verre. Et le fameux plafond de verre, toujours pas brisé visiblement. Voilà, il y en a un qui ne les brise pas, c'est Roulian. Get the fuck up, throw your hands in the sky. We just in the back sipping yak, y'all, what's up? Girls, rub on your titties. Yeah, I said it, rub on your titties. New York City gritty committee, pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. Oui, moi je les remplis et je les vide, les mères. Bravo. On est sur le haut niveau. Je sais pas si on va réussir à faire une heure aussi haut. JP Darky à la technique, aux questions Minitel, au XP, au XG, au X, oui. Et au Verrouge. Il y a du Faugère. Il y a du Faugère. Et bien sûr au point G. La team et surtout Blourde, la commu. C'est le roi de la commu, Schrottis. I'm Woody Allen on caffeine, I'm into lotions and cream. How you think I keep my complexion so clean? I may not be the fairest, but shit, maybe I am. And either way, I don't give a goddamn. boom. Five rounds kind of filler in the back, just a manila. Think you're ill, but I'll be Zilla. Boom. Fire red, 18 villa, bright green Godzilla, and the yellow armadillo. Boom. 500 kind of villa in the back, just a manila. Think you're ill, but I'll be Zilla. Boom. Fire red, 18 villa, bright green Godzilla, and the yellow armadillo. Bonsoir, bon, écoute, vu que Paolo s'était donné rendez-vous dans 10 ans et que Calcio s'est cassé la voix, j'ai envie de dire que je suis content d'être dans cette place des grands hommes. Alex. Because they're madder than sicker than them. Madder than sicker than them. Dreader than dread, dreader than dread. Let me look at me tell them, say, yo, yo, say what? Comment ça va pour vous? Parce que pour moi, ça va pas, mais pas du tout. Ah, c'est une chanson de je sais pas, Patrick Bruel. Ordinateur, c'est ça? Ah, mais tu fais ma gueule, les mégas. C'est pas marre de cette nana, là. Ça, c'est Patrick Bruel. C'est Dio, ça, c'est... Il était bien mieux avant tout ça. Avant tout ça, il était bien mieux avant. Non mais attendez, il était bien. Ouh, ouh, oh, ouh, oh, là-haut. Ouh. Bon Raoul, on est où là? On est où? Il met une place. Bon alors, qui c'est qu'on salue? Notre guide, notre lumière, le grand timonier, le grand timonier, absolument. La flamme sacrée. Merci. Qui monte du sol natal. Absolument, je veux parler évidemment de qui? De DJ, DJ. MC Gigas. Cette introduction lyrique, on va se replonger dans cette fin de saison. On vous a quitté. Tiens, c'est difficile aujourd'hui. Pourtant, on n'a même pas commencé à boire. Non, bizarre. C'est bien ça le problème. Hein. Oui, on vous a quitté en avril. Le vin est là. Et je sais plus ce qu'on a annoncé, mais je pense qu'on avait annoncé une fin de saison où on allait tout gagner. Il me semble que c'était l'analyse. Ah, moi, j'y croyais. Le grand chef, victoire en championnat, victoire en coupe, victoire en coupe, victoire en coupe intertoto, victoire en coupe du Crédit Mutuel. Le grand chef a été fait, mais pas dans le bon sens. Et le match qui suit, le dernier à Lyon, c'est RCS Rennes, et j'aimerais qu'on commence par ce match. J'avoue que je ne m'en rappelle plus vraiment, juste un petit coup de caca dans ma bouche, comme dirait Mathéo. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? C'est la question déjà. Moi j'étais malade. Ce jour-là j'ai dormi 36 heures sur 48. Moi j'étais dans un avion retour de Londres. Ah, oui. Qu'est-ce que tu faisais à Londres? Ah oui, on a le droit, on peut en parler parce que effectivement, qu'est-ce que tu faisais à Londres? À Londres, chemin faisant. Qu'est-ce qu'on faisait? On a fait une petite manif avec des mecs de Chelsea. Avec Jake et David qui sont des. Tout à fait sympa, qu'il y en a plein de cul de Blouco aussi, et puis on a comparé nos expériences, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses encore. C'était cool, il y avait plein de monde. Combien de personnes à peu près à cette manif? Alors, un millier, je pense que c'est une bonne estimation. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs personnes qui, à 20 minutes de la manif, m'ont dit « Mais dis donc, on se dirige vers un énorme bide. » Ce à quoi j'ai dit, de façon peu rassurée, « Non, non, ça va le faire !» Et à l'anglaise, 2 minutes avant, il y a plein de gens qui sont arrivés, et d'un coup, voilà. C'était avant quel match de Chelsea? C'était avant un match de Chelsea. Hein. C'est avant Chelsea contre Manchester United. Alors, qui était un des matchs qui ont mené au downfall de notre ami Rosenior. J'allais dire, pas de spoiler, Chelsea a perdu, évidemment. Après, ils ont commencé à perdre lamentablement. Là, ils ont perdu 0-1. Oui, United, on va dire. Mais c'était marrant. Et du coup, on a vu un peu, effectivement, les abords de Stamford Bridge. J'ai compris ce que beaucoup de gens ont expliqué, à quel point, en fait, le stade était complètement encaissé dans une barre d'immeuble le long d'une voie ferrée, et qu'en fait, ils n'ont aucune chance de développer un stade à cet endroit-là. C'est vraiment... Le stade est vraiment coincé dans un bout de quartier. Parce que tu peux sortir à la station de métro à côté du stade, à Fulham Broadway, là, tu remarques même pas que le quel stade. Ah. Bon, après qu'avec Paolo, on était il y a 15 ans aux abords du stade aussi, pas pour une manif, mais je me rappelle, effectivement, c'était en pleine ville, mais je n'ai plus tout les soirs. On est venu un petit peu pour humer effectivement l'atmosphère et puis bon, t'es au pub. Moi aussi. Voilà. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Et donc, et entre temps, effectivement, on ne se réjouit pas du malheur des autres, mais. Si. beaucoup aussi quand même. Mais effectivement, l'IAM. A disparu, je pense, éclipsé au bout d'un temps, je t'en trop vite. Dans une grande Falcon. Mais il nous a rendu fou. Je pense qu'il a exporté la DNA du Racing à Chelsea, hein, genre de ça. Ils savent pas, mais ils sont maudits pour Milan, là, les mecs. Le cimetière indien, il a recreusé ce Stamford Bridge. Mais par contre, Chelsea a gagné un match ce week-end contre Tottenham. Absolument. Enfin, mardi d'ailleurs. Ouais, oui. Il finit par gagner un match. Avant-hier, oui. Ça arrive. Ouais, sachant qu'avant, ils avaient pas, enfin, ils ont aussi enchaîné, je crois, 6 défaites de suite sans marquer un seul but. Ah ouais. Ce qui est quand même costaud. Mais la première ligue est tellement ouf cette année qu'ils vont peut-être quand même se qualifier en Coupe d'Europe. Genre, tu perds 6 matchs de suite sans marquer un but en fin de saison. Mais parce que Villa gagne la Coupe d'Europe, parce qu'il y a une place en plus, parce que machin, tu peux être 9e et quand même te qualifier en Coupe d'Europe. Je crois que potentiellement, ils peuvent aller en Conférence League. Défendre Conférence, voire Europa League. Ouais, mais je crois que là, concrètement, c'est la meilleure dernière. Ils sont maîtres de leur destin pour aller en Conférence League. Compétition, rêver. On est sérieusement. voilà. Bah, c'était tout le monde. Déjà, si ils ont réellement envie d'y aller, ça, c'est une autre question. Alors qu'on est parti de Strasbourg-Rennes, c'est ça. Ouais, c'est l'intérêt de ce match. Mais Strotim, quand même, il y avait la manif. Là, c'est l'international supporter qui se met en place. Là, c'est en train de devenir un truc de fou. Quoi, bah, deux groupes de supporters qui n'ont rien à voir qui protestent contre le même proprio. C'est intéressant pour la scène. Ouais, ouais, mais est-ce qu'on a le droit d'aller à Stamford Bridge avec des écharpes du Racing ou pas? Écoute, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que les Anglais sont quand même des grands commerçants. Donc, tu avais quand même des types qui s'étaient improvisés, qui avaient fait tirer 200 ou 300 écharpes Blue Coat. Des belles écharpes en laine avec la gueule de Bully et Bally. Et les mecs vendaient ça mais super cher, tu vois, genre 15 000 et tout, ils en ont vendu plein. Ouais, c'est bien joué. C'est un peuple de boutiquiers, tu vois. Ouais, ça me rappelle, je vais donner un peu de culture, hein, cette émission. Dans les livres de Terry Pratchett, j'espère que vous les lisez tous. Thierry Roland, il y a un type qui s'appelle Dibbler, qui, dès qu'il se passe un truc, donc ça peut être un dragon qui arrive, qui explose une ville, il a une petite roulotte et il vend des brochettes. Toujours, parce qu'il y a toujours plein de gens qui ramènent. Truc, ouais. Mais oui, c'est Dibbler. D'accord. Et c'est typiquement, c'est écrit par un Anglais, et ce personnage est typiquement ce genre de personnage. Il y a une manif se passe, des types arrivent, ils ont des brochettes, des écharpes. Il y avait des brochettes, tu fais un bout de désert un peu sacré, tu le vois à deux coques en même temps. C'est ça. Aucun problème. Non, on a dit qu'on parlait plus de Patrick Gouel. Mais c'est vrai que c'est encore les Anglais en fait. Mais oui, bien sûr. Ah, j'adore. Ils font bouillir les vierges, ils font des fourchettes en milieu. T'es de quelle nationalité déjà? Pardon? T'es de quelle nationalité? Saint-Louis, citoyen national. International. Voilà, tout ça. On revient toujours. Revenons à RCS Rennes, match passionnant, à la minute. Moi j'étais malade, on peut en parler. T'as dormi 36 heures. Et moi j'étais dans un avion. Moi je sais plus. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur le match. Non, c'est horrible. Le Paul. Le Paul, il met des buts comme il l'a fait toute la saison. Après, c'est vrai que contre le Racing. Si tu lui enlèves ses buts hein, depuis 2 ans contre le Racing, il a les stats d'Aïkele Mandia, quoi. Bon, peut-être pas. Hein. Mais il a vu qu'un but, là. Bah oui, mais c'est lui qui tire la première. Ok. Il n'y a pas eu photo sur le match. Franchement, j'ai aucun souvenir de ce match. Non, si, le Racing gâche une belle occasion c'est en début de match. Peut-être parce que j'y étais pas, d'ailleurs. Oui. C'était pas Pâques. Non, c'est pas. Ah, c'était en pas début, non, il y a Fofana qui a une occasion. Ouais. Il est lancé en profondeur, il arrive tout seul face au gardien de Rennes, il dribble le gardien de Rennes et après il se rentre en collision avec Nanasi à la 8e. C'est ça. Et du coup, il arrive pas, il redresse la balle, elle va dans le but, mais il a tellement tapé mal la ballon que il y a un défenseur de Rennes qui a le temps de revenir dans le but et éviter le but. Et vu cette occasion ratée, après c'était terminé. Mais à la 8ème, ils ont mené en expected. Ah bah, fun fact, cette occasion, la première, donnait 0,67 expected goal au Racing. Et à la fin. Si on aura au total 0,94. Ah, quand même, on a quand même. Non, mais ça veut dire que c'est incroyable. Une occasion potable, ratée, et plus que potable. Dans 67% des cas, des types qui sont dans cette position mettent le but. Ah, mais ça prenait pas en compte Fofana. Voilà. 67, ça veut dire que 33, elle mette pas, quoi. Donc on était dans les 33. Si j'ai bien compris. Et donc, le reste du match, donc les 82 minutes qui restent, ont rajouté 17. Pour 27 de XG. 0,27. C'est pour te dire qu'on a été nul à chier tout le reste du match et que la reine nous a bouffé. Vous voyez, j'ai pas vu le match, mais j'étais malade, je l'ai dit ou pas. Mais grâce aux extraits de gauche, je peux vous décrire le match. Voilà. Sachant qu'on avait quand même fait tourner hein, avec des joueurs pas forcément à leur poste. Des pas forcément joueurs. Même quand tu fais pas tourner, c'est pareil. Alors Amoyo était sur le terrain. Ouais. Il y avait Raphaël Louis, du coup, milieu défensif, qui était arrière, puisque. Il faut quand même préciser que dans cet effectif, on n'a pas trois arrières latéraux. Et on peut aussi expliquer le contexte, pourquoi cette composition un peu. Pourquoi et à quel point ça a porté ses fruits par la suite. Mais... Bah, il s'agit d'une stratégie réfléchie. Perdre des matchs, ouais, c'est bien. Perdre des matchs, c'est bien comme stratégie, ça, ouais. Pour assurer la qualification via des compétitions à élimination directe. On appelle des coupes, c'est ça hein. Absolument. Ouais. C'est pas la coupe de cheveux de Roulian. Non, ça n'est pas ça. Et est-ce que la qualité le match qui suivait, c'était... On avait Sabali au milieu de terrain. Quand même. Oui, au Racing. Oui, mais Idrissa Sabali. Il savait pas qui existait. Et ce bon vieux Amadou Cissé arrière droit aussi. Voilà. Et une charnière, Mwanga Osberg. C'est pépite. Grande. Habitue-toi, hein, parce que... Non, mais la défense, si c'est Mwanga, Hochberg, Raphaël Louis. Direct de Radio Stump. Mais tout le monde, à l'époque, a trouvé ça génial. Hein. Parce que tout le monde était encore dans l'euphorie de Mainz. C'est pas grave, on balance au championnat. Non, on est les kings, on va gagner la Coupe d'Europe et tout. Enfin, je veux dire, on joue la coupe à fond. Ça passe crème. Tu sais, c'est comme c'est le lendemain de mariage, là, où tout le monde est dans un esprit un peu... Genre, on scène, tu vois. Les gens oublient qu'en fait, il y a une reine de famille. On a beaucoup se on a plus récolté. C'est ça. Ah, on s'aime, tu vois. On s'aime. Bon, le match d'après, tu te demandes si c'est l'Orient. Sûrement, on s'aime. Non, je sais pas. Tu veux dire à la fin ou je. Moi, j'ai coaché. Je garde. Le prochain match, c'est l'Orient. Non, c'est Nice. Ça dépend. Ah, oui. Ah non. Est-ce que vous voulez garder vraiment pour le bouquet final, la chronologie, ou alors le bouquet final et les coupes? Moi, j'aime bien les chronologies. Ah, ok. Parce que moi, j'aime les Jean Tarantino. C'est vrai qu'on est veille de finale de coupe, hein, quand même. C'est bien la finale de la Coupe de France. Effectivement, c'est dur. Ok, donc là, c'est pas là. Alors, pour le Racing affronte Nice, qu'il avait éclaté. Le week-end de Pâques d'ailleurs, et j'y étais pas, c'est pour ça que je me rappelle. Et tu fais plus de match, toi, tu vas plus rien. Mais j'étais contre Rennes en fait, mais je vais être à la buvette. Hein. Ah, d'accord. Je sais maintenant, ou peut-être le match était très très chiant, et du coup je l'ai effacé. Non, il était super. Non. C'était un des meilleurs matchs, le premier mi-temps contre Nice. Du coup, le Racing 3-0 à la mi-temps. Le Racing affronte Nice, et normalement, on les a pliés en championnat, donc on va perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Comme quoi, l'ADN du Racing. Et l'ADN du Racing. L'ADN du football. Tu ne peux pas battre deux fois la même équipe dans deux compétitions différentes à la suite. Ça n'existe pas. Et ben, sachant que ce match, tu le rejoues 10 fois, tu le perds pas. Ouais, je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils peuvent le jouer 10 fois, ils ne le joueront pas 10 fois. Alors peut-être que si on l'avait joué, on l'aurait gagné. Ouais, c'est ça. Bah, au final, moi, j'ai pas le souvenir d'énormes occasions du Racing. Je me souviens d'une domination un peu stérile en première mi-temps. Il y a quand même eu des très très grosses occasions. On a vraiment tiré sur le poteau. Il y a eu vraiment des trucs, des face-à-face ou presque. Enfin, on a vraiment. C'est juste, on a été maladroit. L'UIG. C'est pas le match de coupe dont on parlera après. C'est pas le même niveau. Le match de Nice. Non. Dans la réalité, tu dois normalement passer parce que Nice est mauvais et il tire deux fois au but, il met deux buts dans un penalty. Ils ont trois tirs cadrés dans le match. J'ai pas forcément cette lecture. Moi, j'ai pas le souvenir d'un match aussi enthousiasmant de la part du Racing. Ah, n'allons pas jusque-là. On a trois occasions pour Nice, trois buts. On a trois tirs cadrés de Nice, trois buts. Non, mais il y a surtout un 0-2 de match. Ah oui, mais c'est broyé deux fois. Il y a un Racing qui se liquéfie surtout après le premier but. Voilà. Alors Cassio a dit, s'il n'a pas cette lecture, moi ça m'intéresse, parce que bon, la théorie, on n'a pas eu de chance, on regagne 10 fois, bon peut-être, mais 17 quelle est ta théorie, Cassio? 17 tirs à 4. Moi je les ai trouvés très nerveux tout au long du match, avec le ballon qui brûlait dans les pieds. J'avais un peu le même sentiment contre Rio, mais on en parlera après. Chronologie les gars. Et effectivement, moi je trouve pas qu'ils aient beaucoup d'occasions hein, dans ce match, hein, le Racing. Bah 17 tirs, enfin, c'est quand même... Après ils sont tombés face à un bloc bas qui a joué en contre et qui a entendu ses occasions, et puis... Après c'est le premier match où t'as aussi ce phénomène qui s'est effectivement vérifié avec le Vallecano, c'est que l'équipe adverse se dit bon bah on va refuser un peu le pressing du Racing, on attend de voir, et dès qu'on peut on met le pied sur le ballon, on fait un peu rouler. Alors certes, avec moins de talent que Vallecano, parce que Vallecano, au milieu, ils avaient quand même 2-3 gars qui avaient l'expérience et du métier. Et quelque part, en fait, contre, ça a été un peu le modèle dominant pour le Racing en cette fin de saison, quelque part, il suffisait d'être patient. C'est une équipe qui manque un peu d'expérience et qui avait l'habitude d'essayer de hausser le rythme pour jouer sur ses qualités, mais qui était un peu émoussée, du coup, ça marchait un peu moins bien. T'es patient, tu la joues au métier, c'est quoi? C'est une passe laser de Klaus pour un but de Wally, le deuxième but, c'est un contre d'école à la école Claude Puel. Quoi. Non, le deuxième but, c'est un pénalty, donc le premier. Non, le premier, ouais. Ouais, c'est Klaus. Le premier, ouais. Non, le deuxième, Klaus c'est... ou Klaus Moi, je dis Klaus. Moi, je dis Klaus. Je sais pas. Klaus. Après, tu... sens quand même qu'ils physiquement ils sont complètement cuits là aussi. Moi, je dirais plus mentalement que physiquement. Mentalement aussi, physiquement aussi, ça manque d'expérience. Alors, moi, je trouve qu'en termes de poste, c'est quand même... L'effectif est clairement déséquilibré, quoi. On a fini cette saison sans avant-centre. Sans latéraux. Sans latéraux. Bon, ce match-là, il avait mis plus ou moins l'équipe type. C'est la grosse équipe. De oui, là, en même temps, tu t'es pris tôt contre... Enfin, à part l'avant-centre qui était méga, mais sinon, c'était l'équipe et capitaine. Non, je crois qu'il n'y avait pas Doué non plus, hein, c'est ça. Il n'y avait pas Doué. Il était malade. C'est là qu'il y a son virus qui commence à maigrir. Après, la construction de l'effectif, pour moi, c'est dans tout ce qui se passe enfin, dans cette fin de saison, c'est un peu ça le souci. C'est que, bon, après, c'est tarte à la crème, mais c'est une équipe trop jeune, poste déséquilibré, etc. Ouais, le mental qui suit pas. Gestion de l'effectif aussi. Une équipe qui n'est pas taillée pour gagner des titres et pour remplir les objectifs, tout simplement. Ce qui est assez dommage, c'est que l'an dernier, on pointait un manque de banc alors qu'il ne restait que le championnat. Et cette année, c'est pareil, mais sauf qu'il y a trois compètes. Et c'est peut-être même pire, mais il y a trois compètes, en fait. Donc, Il y avait des très bonnes surprises, comme Samir El Mourabet. Mais El Mourabet finit la saison. Alors, il fait une très bonne saison, mais il finit la saison complètement cuit. Et ça fait depuis le match contre Nice en championnat début avril, où il met un super but, il est complètement carbonisé. C'est normal, parce que quand tu as un joueur. Comme Mourabet qui sort du centre de formation et qui surperforme, normalement tu le protèges. Parce que, alors, c'est un peu vieille école, hein, comme on me dit, maintenant on ne fait plus jouer les joueurs en réserve avant de les faire revenir, on les balance directement dans le grand bain, bon, ça n'a pas l'air de marcher. Ben, Mourabet, à un moment, quand il s'enflamme un peu trop, tu ménages un peu pour qu'il ne se crame pas physiquement, parce qu'il ne sait sûrement pas gérer, il veut tout donner. Il doit tout donner tout de suite, quoi, c'est la chance de sa vie, le mec ne réfléchit pas, il ne va pas se préserver pour la fin de saison. Il joue tout le temps à fond et bah, effectivement au bout il est cramé et comme t'as personne d'autre, bah, tu buses encore plus et puis quand il en peut plus, Et résultat, on gâche une cartouche, on a déjà pété une cartouche, la Coupe de France c'est terminé. On a déjà senti un bon gros stupeur quand même à la Méno. Après cette, je pense que 82%. Non, il y avait une grosse majorité des spectateurs et des supporters de Racing qui se voyaient easy en finale. Il y a déjà des mecs qui avaient réservé leur billet de train. Oui, mais je pense que une partie de l'effectif aussi. Et aussi là c'est là où, mentalement, il y a un petit twist. C'est genre, putain, on a chié dans le ben, maintenant il faut qu'on arrête les conneries. Puis ça te met trois fois plus de pression pour l'autre. Le demi, du coup. Parce que si tu gagnes Nice, tu arrives plus libéré pour le reste. Au-delà, il y a l'enchaînement. C'est-à-dire que tu assumes de balancer le championnat. Bah, tu sens, on a un match triomphal contre Mayence, t'as retourné, t'as pété une équipe allemande, tout ça. Tu assumes ouvertement, parce que quand même, la compo, c'est, c'est une insulte au football, quoi, de balancer le championnat en disant ok, on fait all-in sur les coupes, et derrière tu te prends les pieds dans le tapis, mais tu passes pour un con. Tu passes pour un con. Je pense que quand t'insultes le sport, le football, il te manque, quoi. Je sens qu'il y a quelqu'un d'intelligent, mais c'est pas moi. Mais il y a un entraîneur un jour qui a dit un truc du genre mieux que moi. Mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose quasiment. Je pense mystique. Que c'est à l'énergie. Il y a quasiment quelque chose de mystique, quoi. Tu te fous de la gueule de ton sport, ton sport te rend. Et ça leur fera la bite. Voilà. Donc, du coup, c'est Nice qui va en finale. On avoue quand même que sur ce match, c'est bien une équipe qu'on n'a pas envie de, qu'on a envie de voir dans les barrages et pas en finale, c'est Nice. Je sais pas, moi j'ai Lens, moi je partage pas cette sympathie pour les Lensois, j'ai toujours plaisir de voir les Niçois tout ruiner encore une année de plus, tu vois. Ils descendent en D2, ils vont en Coupe d'Europe se ridiculiser, tu vois. Ah, c'est plus possible ça. Il y a la tradition, sont, hein, c'est pas une tradition. Mais s'ils gagnent la Coupe. Ah, je croyais que Les frérots. Je croyais que ça avait été changé suite aux catastrophes de Nîmes, de. Non, c'est les finalistes. Ah, si, ok. Nîmes fait la finale contre Auxerre en 1996. Non, mais il y a quelques années, il y a Oren, en deuxième division allemande, là, qui était allé jusqu'en 16e d'Europa League, je crois. Ils avaient passé. Ils font ce qu'ils veulent. Même bien, c'est vrai, ça. Ok, donc si tu la gagnes, c'est bon. Si tu la gagnes, c'est bon. Là, c'est à toi. Mais le finaliste ne donne plus droit. J'avais plus le détail que Nîmes, c'était contre Auxerre, qui était la seule fois champion de leur vie cette année. Ouais, le double coupe champion. Ouais. Ok. Avec Giroud et tout, Francis. Ouais. Tout à fait, je vois. Giroud, c'est très simple. Ouais. Il fréquente des gens. Du coup, après notre Coupe de France. Et on va à Lorient, enfin. Ah, voilà. Ah. Et alors, Roulian, est-ce que tu es allé à Lorient? Je suis allé au stade du Moustoir, à Lorient. Et c'était une très belle journée, il faisait très beau, très chaud. Très très beau. Et il y avait une action spéciale des supporters de Strasbourg et de Lorient pour dénoncer la multipropriété dont les deux clubs sont victimes. Donc Strasbourg Bloco et de l'autre côté c'est Follet qui est Black Knight. Qui est propriétaire à la fois de Lorient et de Bourdon. Bournemouth. Il y avait des mecs du Red Star aussi, non? Il y avait deux personnes du Red Star qui étaient là parce qu'eux aussi ils ont goûté à la multipropriété avec 777. Là, ouais. Donc ils étaient là et donc il y a eu une marche commune dans les rues de Lorient. Qu'il y a des rues à Lorient, ça il faut le dire aussi. Il y a des rues aussi. Donc pendant une petite heure ça a défilé. Puis après, devant le stade du Moustoir, il y a eu une prise de parole. Avec les supporters de Lorient, les supporters de Strasbourg, les supporters du Red Star et un député. Je crois du côté de Lorient. Ouais, mais elle est fils, non, je crois. Mais c'était pas le député du coin de. C'est pas le Billon. Oui, c'est un député local qui est venu parler un peu du texte de loi. C'était pas Éric Coquerel. Il est venu faire un peu le. La retape. Ouais, voilà. Par rapport à ce sujet. Mais c'est pas mal de venir, j'ai trouvé ça sympathique. Malheureusement, il y a que des députés un peu de trucs hyper extrêmes qui viennent voir les trucs de foot. Marie-Georges Buffet. François de Rugy était aussi venu. Alors là, François Bayrou. C'est plutôt sur un. François de Rugy, on est plutôt sur le homard. L'extrême du homard. Ouais, Et du coup, pendant ce déplacement, on a pu se rendre compte qu'effectivement, les supporters de Lorient vivaient à peu près la même chose, sauf que chez eux, ils sont dans le stade. Un tout petit peu avant nous, ils ont moins de transferts vicieux entre les deux clubs, moins de prêts un peu, mais ils vont y arriver. Ça ne saurait tarder. Ils sont juste à la phase. Ils sont bien conscients qu'ils vont être mangés exactement la même sauce. Personnellement, j'ai retenu de Flo Lorient, hein, qui était l'homme qui a pris la parole en premier. S'il y a bien une chose que j'ai retenu dans la multipropriété, qui n'a rien à voir avec la multipropriété, mais il y a un point commun dans toutes ces affaires, c'est le mensonge. Ah voilà. C'est-à-dire que Marc Keller a menti. Trucmuche de Lorient, Loïc Ferry a menti. Les mecs du Red Star, on n'en parle pas parce que eux, ils avaient carrément Elon Musk, version du pauvre qui faisait des trucs, leur menti. Et il y a toujours un mensonge où on vend des choses qui sont fausses, on dit le noir et le blanc. C'est ce qui m'avait choqué dans son discours, c'est qu'on se retrouve toujours dans ce mensonge. Ferry, c'est exactement ça parce que c'est en mode oui, vous allez voir, on les fait rentrer comme actionnaires minoritaires. Et puis finalement, je garde tous les doigts. Sabrina, arrête un peu. Tu vas voir, c'est d'abord le petit doigt. C'est exactement le même truc. C'est la complicité des élites locales, le fameux mais non, il n'y avait pas d'autre choix. Solution. Plafond de verre ou pas? Ouais, voilà. Wagon de rotonde, j'en sais rien. Wagon de rotonde. Non, mais c'est classique, ouais. Mais voilà. Effectivement, chouette, en tout cas pour ce que j'en ai pu en juger sur les quelques images que j'ai vues. Chouette, ouais. Chouette Tifo aussi. Chouette Tifo, oui. Chouette Tifo. On n'a pas le même blason, mais on a le même poison. Ouais, je crois que c'est Tifo. Sur le thème de Blanche-Neige. Avec la pomme empoisonnée de la sorcière. La pomme empoisonnée, c'est la multipropriété. Ah, d'accord. La pomme a fait tout le tour du stade. Voilà, elle a changé. Et sur le logo, il y avait d'abord RCS, après il y a eu un fumigène vert pour dire que la pomme était. Elle était fétide. Et derrière, après, elle arrive jusqu'au parquage où Blanche-Neige mange la pomme et s'endort. Enfin, elle s'endort, elle meurt. On coupera pour les enfants qui écoutent. Blanche-Neige ne meurt pas, elle rapporte toujours les cadeaux à Noël. Saint-Patrick. Par contre, la mère de Bambi. Et après, des petits nains qui disent Eh oh, on est la multipro. Créatif. Je ne veux pas dire qui a trouvé le début, qui a trouvé la fin, mais je trouve que le truc pourri, c'est les mecs de Lorient. Ouais. Mais belle journée. Oui, il a fait beau. Beaucoup de soleil. Et alors là, parlons du football quand même. Une première mi-temps totalement à l'image de ce qui est devenu le Racing depuis qu'on a lâché le championnat. Complètement à côté, il n'y a rien qui marche. Je crois que c'est en début de deuxième mi-temps, on est sur le 2-0. Franchement, à ce moment-là, je me demande si je ne vais pas aller chercher un vrai Scola. Oh là là, c'est horrible. Ouais, il y a des gens qui ont aimé au stade, hein, je les ai entendus. Hein. Mais c'est meilleur que le Coca-Cola. Et au réveil de Racing. La Nazi, d'ailleurs, qui sonne un peu la révolte, le joueur un peu oublié de cette saison, qui finalement... Maltraité. Ouais, maltraité. Maltraité. Outragé. Mais à noter quand même que la composition du match de Lorient ne reprenait pas la composition vraiment pesée du match de Rennes. Il avait quand même corrigé la copie après cette défaite. Accessoirement, il s'était fait éliminer entre temps. Voilà, il s'était dit bon. Une compète de moins à gérer. La probabilité d'essayer de se maintenir dans les deux autres compètes, elle avait augmenté mathématiquement. Et effectivement, ouais, il y a notamment Nanasi qui joue et qui joue bien. Et alors, ça va être mal, mais Raphaël Louis fait son meilleur match au maillot de Racing, je pense, le seul et dernier match à peu près correct qu'on pouvait estimer. Sachant que les mecs de Lorient, ils n'avaient pas non plus envie de s'arracher. Ça, quand tu joues à ton poste, ça va être quand même. On a été bon gars sur ce match encore. Oui, il a été particulièrement bon en provoquant un pénalty absolument débile. Il est mal placé sur le premier but et sur le deuxième, c'est lui qui provoque un pénalty qui n'a aucun sens. Ouais. Et il a été sorti par... Oui, parce qu'il en pouvait. Sur le nez, il est sur le côté gauche, dans un coin de la surface, il n'est pas menaçant, il est dessus. Et plutôt que de se mettre devant lui et attendre que le mec fasse quelque chose, bah, il l'attrape par le paletot là, et il le fait tomber. Il a bien dit du mal de sa mère. Hein. Si ça se trouve. Il y a un Meïté à l'Orient, c'est pas le même. Non. Le Meïté de Marseille, ouais. C'est son fils. Ils sont nombreux, hein, c'est vrai. Moi je connais que. C'est comme la cuisinière. C'est comme les Cissé, les Camara, les Koulibaly. Attention, l'émission dérive vers un truc que j'aime pas beaucoup. On va tout de suite. Mais un match quand même, à l'instar de Monaco, où quand les mecs n'ont plus rien à jouer, n'ont plus rien à perdre, alors là. Étonnamment, ils jouent. Ils se lâchent. Et peut-être pour finir, un truc intéressant, c'est la joie des joueurs partagée avec les supporters. Et j'avoue, je n'ai plus me déplacer tellement cette année pour. Dont on évoquera dans la prochaine émission. Une joie partagée réelle, des joueurs vraiment très contents d'avoir gagné ce match de championnat. Ils portaient d'ailleurs un maillot spécial. Ah oui, oh putain. Ils portaient sur le dos, à la place de leur nom, le prénom d'une personne qui a été discriminée dans le cadre du football. Donc c'était à la fois des prénoms féminins et ou masculins. Et donc, c'était un maillot spécial contre la fille. Ce qui n'a aucun sens, ça voudrait dire que les filles jouent au foot. Bah, Nanasi n'avait pas marqué Nanasi dans son dos. Ah ouais. Et Méga avait marqué Lou dans son dos. J'ai retenu le maillot de Lou. Oui, mon Lou. Voilà. Il était encore là. Oui, et Méga était là, et il avait l'air vraiment très content. Il est venu vers le parcage et tout. C'est vrai que sur le coup, c'était un peu. Sur une note de soleil. Mais du coup, parce que c'était pas Morera. Alors, sur ce match, c'était Morera qui avait des lunettes de soleil qu'il avait piqué à une photographe ou à un stadier. Mais pour le coup, il y avait du soleil. Oui. Enfin, il y a aussi du soleil à 23h à la maison. Énormément de soleil. Énormément de soleil. Gros soleil. Bretagne. Oui, première région sur les cancers de la peau. Il y en a plus à Strasbourg à 23h le jeudi soir. Voilà. Voilà, bon, mais non, non, vrai joueur partagé pour un match finalement qui a peu d'importance puisqu'on sait déjà qu'on a acheté le championnat. Ouais, mais le problème c'est que mentalement, ils prennent de la valeur. On peut plus jouer à Chelsea si on est capable de faire des comebacks. 0-2 à 3-2. Un petit point expected goals, on s'en sort. Bah, non, on s'en sort. C'est dommage pour l'Orient parce qu'ils avaient 2,57 alors qu'on n'avait que 1,99. Comme quoi ? Dont un penalty. Donc, ça veut dire qu'en vrai, on avait 0, on avait 1,2. Donc, ouais, cette équipe est capable de renverser le match. On peut en parler après. JB Larky, je me permets quand même de dire que s'il y a des questions militaires qui tombent. Bien sûr. Parce qu'il y en avait, il y en a quand même beaucoup. Hein. On a un petit problème sur les questions militaires, quand même. C'est que beaucoup de gens sont plutôt sur un bilan. Mais on va quand même faire le bilan. On est sur un bilan global. Donc, c'est assez difficile de trier pour être sur le, plutôt sur la fin de saison. En même temps, les gens ont payé pour poser des questions. Mais bien sûr. Donc je propose. 23 la nuit. Je propose. On a une question random ou il faut qu'on ait un rapport avec ce dont on parle. Parce qu'on va enchaîner avec le rayon. Quand on parle des trucs qui vont du. On va parler, on va enchaîner sur le rayon. Parce qu'il y a des questions rayon, mais du coup, on va les poser après le rayon. Pendant le rayon. D'accord. Match aller au rayon. Parce que bon, on va faire un orphan, le rayon, parce qu'on s'en fout de le rayon. Bah oui, mais on veut exactement, c'est ce que disent les joueurs. Ouais, et Gary O'Neill. On va favoriser un. C'est pour ça qu'ils vont gagner. On va favoriser un radio stubiste, du coup, Morphine, qu'on salue. Le rayon ayant été traité par de nombreux stubistes d'équipes de fumeurs de joint et de punk à chien. Ouh, là. Dégueulasse et malade. Morphine dit, je les supporterai à 100%. D'accord, pareil. Mais quelle est ta question ? Ah voilà. Qu'en pensez-vous ? Tu sais, c'est comme le type qui a pas eu France Inter, c'est « Ouais, moi je pense que… » Et vous en pensez quoi ? C'est ça. Mais Crystal, pas là, ça, bien sûr. Surtout gagner 3-0 et on va mieux comprendre pourquoi. Lâcher le championnat était une connerie, mais étonnamment, God ne l'écoute pas. Effectivement, il ne m'écoute pas, il n'y a aucune question. Mais c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Non, la question c'est, et si oui, pourquoi mais je pense pas. Mais si oui, mais je pense que non. Et est-ce que tu baises? Mais Morphine, il a complètement spoilé le fait que le Racing n'a été éliminé par le Rayo Vallecano, parce que ça, les oui, mais d'abord, il y avait le match à l'étranger. Ils lisaient déjà, donc du coup, ils sont pas au courant. Il y avait des épisodes pour savoir ce qui se passe. Il n'y a pas un recours, là, pour. On sait jamais, là, non. Mais bon, match aller au Rayo, est-ce que quelqu'un y était, un envoyé spécial? Absolument pas. Non. Non, pas du tout, non. Moi, j'ai vu la deuxième mi-temps à la télé. Moi, je. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai vu tout le match à la télé. Pareil. Ouais. Moi, j'ai vu le match sur le télétexte. Et ben, j'étais pas déçu. Hein. C'est la première période, il s'est passé absolument rien. Dans le match. Et en deuxième période, on a pris une genre de petite tempête de Rayo. Tout à fait. Ils ont le 1-0, c'était plutôt heureux pour nous, quoi. Tu l'es pas trop. Parce qu'il y a des occasions. Il y a des occasions dedans. Et à la fin du match, on se dit bon, bah, défaite 1-0, finalement. On préserve l'essentiel, c'est-à-dire que le match retour, c'est possible de les retourner. Merci, Matt Sells. Ah, oui. Pardon, Gilavers. Panders. Tu vois, mais il y a 4-0 au retour. Exactement. Comme contre Marien. Non, mais petit stade, ambiance a priori plutôt pas mal. Comme on pouvait s'attendre, le stade le plus petit d'Europe, c'est ça, non ? Comme ça, là, En termes de largeur, c'est ça. C'est surtout en Coupe d'Europe, a priori, était encore réduit parce qu'il y a une histoire d'écart par rapport aux tribunes. C'est ça. Alors, je sais qu'à l'époque, Fribourg, qui a aussi perdu en finale, comme nous, en finale de la Coupe d'Europe, ils avaient le plus petit écart entre le but et la tribune d'Europe, dans l'ancien stade. Voilà, on s'en fout. Mais là, effectivement, tu voyais sur le match, tu voyais à la télévision que la ligne de touche habituelle, mais ils avaient enlevé la peinture et ils l'avaient mis un petit peu plus. Ils avaient réduit encore la largeur du terrain. Et voilà. Donc c'était effectivement, c'était un peu le stade traquenard, l'équipe traquenard, des mecs. C'est des pros, mais c'est un budget assez faible en Europe. On ne sait pas comment ils sont arrivés en Coupe d'Europe un accident qui font qu'il y a un Coupe d'Europe. Et les mecs arrivent dans leur mini-stade à bousculer les gros, parce que même dans le championnat d'Espagne, ils ont bousculé les gros dans leur mini. Après, c'est pas une mauvaise équipe, le Rayo. Je veux dire, là, le show, là, au milieu de terrain, là, je sais plus. Ah, le tout petit, truc sauf. Ouais, lui, c'est le numéro 7. Lui, il a un côté un peu à l'ancienne. Il est trop vieux. Chibili. Ouais. Et moi, je trouvais que ce que le Rayo, pour moi, ils ont bien réussi à faire deux choses. Premièrement, à pas se précipiter. Parce que comme on est une équipe très à réaction, en fait, si tu nous donnes des munitions, des occasions de partir en contre, des occasions d'enchaîner, bah oui, on va se sauter dessus. Mais après, à partir du moment où tu temporises, tu joues un peu à la baballe, chez nous, les mecs s'énervent, ils ne savent pas quoi faire. Et deuxième chose, bah ouais, dans les contacts, un peu vicieux, on met les coups d'épaule et tout, chez nous, ça s'énerve. Et mes gars qui rentrent à fond dans l'intox, qui... Morera. Ouais, effectivement, c'est le mec, ils ont réussi à le faire dégoupiller, il a passé plus de temps à brancher les tribunes ou les autres joueurs qu'à se concentrer. Et les statistiques le montrent. On a un joli 0,21 expected goal avec zéro arrêt du gardien en face. C'est-à-dire qu'on n'a fait aucun tir cadré. Après, sans remettre une couche sur Omega, c'est quand même scandaleux qu'un capitaine de ton équipe et tu passes les trois quarts de ton match à t'embrouiller avec les joueurs, les spectateurs, les photographes, l'arbitre, et à la fin il a de nouveau chauffé. Alors si tu te dis que mentalement le mec le plus solide c'est le capitaine, ben, ça en dit long sur les autres. Là, l'approche psychologique et la façon dont l'équipe a été préparée pose problème, parce que t'es en demi-finale de Coupe d'Europe, tu sais que ça va être un match contre une équipe, enfin si t'as étudié les vidéos, tu sais comment ça va être le rival avec cette équipe, un traquenard, tu sais que ça va être un traquenard. Et le comportement global n'a pas été à la hauteur, et puis la combativité, au-delà même, on se fait bouffer parce qu'on est une équipe jeune, etc. Ils sont crevés, machin, le physique ne suit pas, mais le mental ne suit pas, sauf que les mecs en face, ils ont aussi une saison comme ça dans les jambes. Deux matchs de plus pour le Rayo. Au-delà de ce qui s'est passé sur le terrain, il y a un problème de préparation, de coaching, de tout. Quoi. Enfin, je pense que c'est inadmissible. Quand tu parles de combativité, il y a surtout une grosse confusion entre le fait d'avoir une vraie... agressivité à bon escient. À bon escient, Et le fait de te disperser ou justement de te prendre la tête pour des conneries. Et ça, je suis désolé. Ça se prépare. Là, seulement ça se prépare, mais surtout ça se fait à l'expérience. Quoi. Quand tu débarques avec une équipe de 21 ans de moyenne d'âge. Mais ça, tu le sais. Tu le sais, donc tu sais que les mecs ils vont être moins préparés au niveau d'expérience. Donc, il y a un travail préalable pour répondre à ce défi-là. Ouais, je pense tu peux faire toute la préparation que tu veux. Une fois que tu es sur le terrain, c'est les joueurs qui font le match. Et là, c'est là où il te manque le gars de 32, 30, 28, qui en a déjà fait 15 des matchs prochains, et qui donne un peu le tempo à ses joueurs. Et la question est pourquoi on a une équipe aussi jeune ? Pourquoi il n'y a pas des briscards quand tu es recruté ? On le sait. Et là, on en revient à. Voilà. Et voilà. Mais en tout cas, il faut que cette agressivité-là, si elle existe, elle serve aussi à aller vers le jeu et se procurer des occasions. Vous savez combien il y avait d'expected goals sur la deuxième période du Racing ? 0-0-0. Parce qu'il n'y a rien eu, on disait. 0,07. Ah ouais, c'est ça. Autant dire, c'est. Autrement dit, je pense que le 0,07, c'est la fameuse action de Omami Bédé, là, qui était sur un genre de corner ou coup de pied arrêté, qui à un moment donné était forcément mettre la tête et qui a eu un pied haut. Ouais. Et ça a été considéré comme c'était la seule fois où on a pu s'approcher. C'est-à-dire qu'on a été totalement inoffensif. Mais totalement inoffensif. Et finalement, on sort avec 1-0 à la fin de ce match en se disant. Merci Mike, il fait 7 arrêts en deuxième période, il nous préserve les chances. Il est vraiment sorti de nous. Voilà, et il nous préserve les chances d'aller voir la finale à Leipzig. Le Rayo n'est pas si exceptionnel que ça en plus. C'est une équipe qui était 12e en championnat d'Espagne, c'est une bonne équipe, de briscard, ce que tu veux. Enfin, c'est une équipe qui était l'argent qu'il y a derrière et le Racing n'était pas une mauvaise équipe. Enfin, c'était jouable largement. Mais on va reparler du maillot et de la maillot et de l'équipe maillot et l'équipe ketchup. Mais avant tout, je pense qu'il est important d'éliminer très très rapidement la réception de Toulouse. Ah, il y a eu un fait marquant. La blessure de Emega à peine rentrée. Fin de match. Il faut qu'on en parle. Il est rentré à la 82e minute et sur une balle en profondeur. Alors c'est quoi ? Il s'est pas échauffé. Le mec est trop frais. C'est quoi ? Dites-moi, vous qui avez tous fait des études de médecine, expliquez-moi. Je pensais que tu parlerais du but d'un ou un milieu. Je crois qu'il est juste con. Il s'est passé. Tu peux pas rentrer à la 82e et te blesser une blessure musculaire alors que t'es rentré juste pour les 10 dernières minutes. 4 jours avant une demi-finale de Coupe d'Europe. Il y a un nouveau staff médical qui est au top du top. l'ai viré. Le médecin historique qui avait 35 ans, je l'ai viré. Et puis la dernière, quand même, mon frère, il y a des durs. Du PMU, je pense, mais. Non, il y avait François Pitra, ouais. Oui, extra. Ouais, c'est ça, ils les ont virés il y a deux ans comme des malpropres en mode. Même pas, c'était des blessures. L'année dernière, tout, vous vous souvenez du nombre de blessures? Il y avait très peu. Ben, c'était le bon docteur. Alors, du coup, Eméga, genre, malédiction, genre, préparation, ou alors, et moi personnellement, c'est mon avis, je vais donner, je vais faire comme. Le partage. Non, moi, je pense que ce mec, en deux ans, il a passé quasiment 45% de son temps à blesser. Je pense que malheureusement pour lui, avec tout ce que je le déteste, sa carrière de footballeur pro, elle est derrière lui. Ah, mais il va finir sous un. Elle n'a jamais commencé. Lui, non, mais lui, la... Parce qu'en fait, Eméga, c'est typiquement le mec qui a vu sa cote monter pour des raisons de data. Déjà, quand il est arrivé chez nous, il avait des stats physiques, de puissance, de course, tout ce que tu veux. Lui, l'a chié, et le challenge, c'était on va lui apprendre à jouer au football. C'était le deal de départ. Je suis assez d'accord. Il y a des gens. Pas physique, faut en plus lui apprendre. Non, il y avait du physique. Non, il y avait du physique. Ah, il y avait du potentiel physique. Ah, pardon. Et donc, après, pour je ne sais quelle raison. Est-ce que ça a trait à sa morphologie, son hygiène de vie, pas de bol, un manque de préparation, un manque d'intelligence, etc. Effectivement, le mec est toujours blessé. Donc en fait, en vrai, ça vient saper le principal atout qu'il avait. Sachant qu'en termes de football, il a un peu progressé. Il est devenu à peu près correct, mais sur certains aspects. On a des infos sur son hygiène de vie, parce que tu mets en cause en direct là, l'hygiène de vie. Non, il a dit que c'est une possibilité. Ah, ouais. D'accord. Tu vois, ça, c'est comme. Tu vois, c'est... Tu mets un point d'interrogation, tu peux tout dire, tu vois. Oui, Mais je serais assujetti à l'ISF, point d'interrogation. Oui. J'assume. Voilà, on se laisserait dire que... Mais je pensais qu'il y avait une inf, un truc... Paolo, on se laisserait dire que les problèmes avec sa femme... il fréquenterait le fucking blue boy, mais cela ne nous regarde pas. Ouais, il fréquente des kebabs, là, non des... Je crois que c'est même plus... Je crois que les jours d'aujourd'hui, c'est Master le problème de la Master boucle. Poulet, ouais, non, c'est Master. Mais moi, enfin, malheureusement, et j'ai envie de dire, en fait, limite, moi, je m'en réjouis, on peut le dire, hein, j'ai jamais pu dire respect. Ah ben, mais je pense que sa carrière va pas aller très loin, parce que, et même pas au niveau de son niveau de football, ce niveau que là, genre, il est complètement con. Oui, il est complètement con. Mais en même temps, j'imagine, et ça reste une hypothèse, alors, je trouve team, hein. J'imagine qu'avec avec tout ce que ce mec est et fait hors terrain, il doit quand même se mettre une sacrée pression quand il joue. Ouais. Ce qui, à mon avis, quand tu reviens de blessure, quand t'es dans la tête, quand c'est, à mon avis, ça va pas des masses, parce que les critiques, tout ça, ça doit quand même le toucher. Je pense que c'est pas aussi évident que ça. Hein, il croyait qu'il roulait à ça, justement. Mais quand tu roules à ça, t'es aussi. Si tu roules à ça, c'est que potentiellement, tu peux aussi être touché par ça. En fait, Eméga, c'est le Balotelli du pauvre. Balotelli, c'est ce qui a fini par l'emmener par le fond. Il avait aussi un gros potentiel. Bon, il était meilleur en football quand même, faut pas déconner. Et en fait d'artifice. Ah oui, c'est vrai. Très très fort. Ouais. Et c'est pareil, le mec au bout d'un moment, ça, il a fini par s'auto-mindfucker, tu vois. Non, mais ce qui est bien pour Eméga, par contre, quand même, parce que ça reste un homme. Et monsieur Giga, je vous trouve un petit peu chafon. C'est-à-dire, vous espérez qu'il est prêt parce que Chelsea. Ah non, j'espère pas. À Chelsea, va tout faire. Donc il a déjà des problèmes s'il a Chelsea. Non, mais voilà. Il va trouver une atmosphère apaisée où il est possible de s'épanouir et où les erreurs ne sont pas sanctionnées par un milliard de connards qui vont sur les réseaux sociaux. Il a le mec a 5 directeurs sportifs pour s'occuper de lui. Mais oui. Alors, trop, justement. Ça fait 4 heures. Moi, je propose un petit loto. Ah, on va jouer. Bingo. On va jouer. Et donc, quel club pourri de Première Ligue Eméga va évoluer l'année prochaine? Vous êtes chacun libre. Et celui qui gagne, je sais pas, on lui offrira un prix au prochain Radio Show. Ah, Hull, je vois pas. Tottenham. Mivol. Chelsea. Ah, Mivol, ça va être Chelsea. Tu joues Chelsea? Chelsea. Il y a une grosse cote sur Chelsea. Hein. Alors je la prends. Ouais. Je pense qu'il jouera à Fenerbahçe. Prêté en Turquie ou en Grèce, ouais. Turquie, Fenerbahçe ou Olympiakos. Ouais, alors attention, les pays qui partagent des trucs, voilà. Grèce, Turquie, Palestine, Israël. Allemagne, France. Moi, je le vois bien dans un club allemand, je sais pas moi. À Mainz. Karlsruhe, FC. Non, ça c'est ce trop bien. Non, non, pour la dignité, ils vont quand même réussir à l'envoyer quelque part en boulie, tu vois. Je pense que la plus grosse cote, ce serait Strasbourg. Un retour en hiver à Strasbourg pour 6 mois. Je suis parti comme un roi, je reviens comme un prince. Légende. Ouais. Je reviens comme un prince. Ouais, le lampadaire, c'était moi. Ah, non. C'est ça. Franchement, il a senti quelque chose par ce truc. Mais il a quand même fait une interview. Moi, je vais venir Brighton. Le retour, alors le retour d'ascenseur. Moi, je mise sur la Serie A, un championnat un peu décadent. Quand même, hein, il faut le reconnaître. Papis, malheureusement, du coup. Mais le Torino, c'est le Torino, ce club qui fait 11e chaque année depuis 10 ans. C'est passionnant, les saisons du Torino. Là, je pense que il y a moyen qu'ils finissent 16e grâce à lui. Ils ont besoin de multipro, à mon avis. Non, il n'y a pas de multipro. Non, mais ils en ont besoin. Quand tu joues un drone comme ça, normalement. Ouais, il faudrait, ouais. Écoutez, Paul, tu veux du Portugal. Bah là, oui, ça c'est. Ou l'Arabie Saoudite, ou en tout genre là. Il y a tout est possible. Quita, le phénomène. Ah, finance, oui. J'aimerais beaucoup. Mais je trouve qu'on s'enjaille, on s'excite beaucoup plus. On se met bien. À imaginer des destins pourris à Emega que sur les matchs de Brésil. Mais c'est ce qu'ils voulaient, là. D'ailleurs, il faudrait qu'on avance parce qu'on a encore beaucoup de matchs à faire. Et on est déjà à plus de 45 minutes. On va dire le quiz de Calcio. Il reste deux matchs qui cuisent. On va vite, vite. On est au retour du Bayou. Alors là, le match de l'année. Historique. L'Europe ou la mort. Le Racing n'avait jamais joué de Coupe d'Europe. Le Racing n'avait jamais joué au football. Non, le Racing n'existait pas. Voilà. Ne méritait pas d'exister. Et là, donc, du coup, genre, les DNA n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. C'est vrai. Ils ont dit quoi ? Il y avait plein de reportages à la con, je sais plus trop que, mais les reportages à la con. je pensais que les DNA c'était un journal super intéressant. Mais c'est vrai que j'ai senti, alors à distance, hein, parce que moi, pour bien suivre ce match, je me suis exilé en Amérique centrale. T'as bien raison. Et même là, je sentais que tout le monde avait rien à foutre, évidemment. Tout le monde en parlait. Mais le chauffeur du bus. Le chauffeur du bus parlait espagnol, donc je n'ai jamais compris ce qu'il a dit. Olé. Je pense qu'il est extra boulot. Mais t'as pu suivre du coup ? J'ai pu. Alors, explique-nous le plan quand même. Rombolesque. Exactement. Dans le transfert de la côte pacifique jusqu'à l'aéroport de San José. Donc, c'est pas un tequila. Il n'y a pas de tequila. Olé. San José, je me dis. Mais il y a San José aux États-Unis, au Mexique. Il y a une tequila en même temps, on a acheté une tequila. Oui, il y a San José aussi. J'avais oublié, j'avais effacé. C'est ce truc de tease que tu ramenais de soirée en soirée. C'est ça. La bouteille de Soho et de Manzana. Je peux te donner un El Camino parce que ça ferait le petit chapeau mexicain dessus, tu vois, ce petit goodies que tu pouvais accrocher à ta vodka. Et la vodka Rachmaninoff, je pense. La Rachmina. Rachmaninoff, qu'on salue, évidemment. Oui, bien sûr. On salue Rachmaninoff, mais on fait passer le vin du Gard. En gros, merci. Bon, voilà, on va vite revenir sur le match. Donc, dans ce fameux bus, nous avons réussi avec un peu de 4G et Vincent Bolloré, évidemment. Beaucoup de volonté. Et regardez le match, et très rapidement, on a bien compris que ça sent Bolloré de cette droite. Ouais. Bah, la première mi-temps, on s'est fait éclater. Ça sentait des gaz. Et la deuxième mi-temps, on s'est fait éclater. À part les 10 premières minutes et les 3 dernières minutes. Ouais, enfin, t'es gentil. Hein. Bah, parce que le penalty, mon dieu, mais quel sketch, quoi. Ah, c'était bien. Hein. C'est quoi la troisième ou quatrième fois là, qu'il y a une espèce de penalty gate cette saison. Ouais. Non, mais Ah oui, à Bordine, exact. Quand on court des melons pas possibles dans l'équipe, c'est comme ça que ça arrive. Mais non, mais surtout, aucun feed commotionnel. C'est-à-dire que les mecs sont dans un espèce aucun entraîneur, aucun manager de football, aucun président pour dire non, les gars, genre à un moment, il y a quelqu'un qui décide et vous êtes là pour jouer. Et ça, c'est un des trucs dont on parle rarement, c'est le manque de professionnalisme. Bah, moi, je pense qu'il y a un manque d'encadrement, il n'y a plus d'autorité morale dans ce club. Parce qu'on nous vend. T'as l'impression d'être dans The Office, où les mecs sont dans une filiale qui est laissée à l'abandon avec un guignol qui fait n'importe quoi. Et donc, du coup, tout le monde laisse aller à ses instincts primaires. Et qui est Martin Freeman ? Enfin, qui est le héros ? Enfin, qui est le gars censé S'il y en a un, il y en a toujours un dans les deux versions de... Tu parles de, dans la version anglaise. Oui, imagine, tu parles de la version anglaise. Bilbo. Je parle de Bilbo. De Bilbo, ouais. Oui. Non, je ouais. Je pense que c'est Kader Morgan. Oui, c'est ça. Le socle de... Bah lui, il est très stable. Hein. Alors, et... qui joue le réceptionniste, ça, bon, je vous l'ai dit. Mais non. Non, je vais être obligé. Bon, revenons au football, revenons à la minute. C'est la 51ème. Non, mais il n'y a pas... Sophia Loren, voilà. Sophia. Non, bah, je me suis trompé. Il n'y a pas de football à discuter. Ce match-là, on a été ultra dominé en première période. On est mené 1-0 à la mi-temps. On a essayé hyper maladroitement de revenir au score en deuxième. On a effectivement, on pousse en fin de match. On a un pénalty... Un ciseau de tir, le gardien l'arrête, voilà. Bon. Mais on méritait pas plus. Au mieux, on aurait fait un partout, ça aurait été le score du match. On méritait pas de passer. Personne n'y croyait. Franchement, au moment du pénal, plus personne n'y croyait. Ouais, il arrive trop tard. C'est surtout qu'il n'y a aucun regret. Ah bah moi, surtout, parce que des prolongations, ça ne m'arrangeait pas du tout. par rapport au retour. T'avais ton bus ? Ouais. Bah oui, il faut penser aux gens qui travaillent. Voilà, ouais. Donc déception. C'était quand même la première question militaire, quoi. C'est la première finale, demi-finale retour de la Ligue des Champions, de la Coupe d'Europe au Racing, au stade de la Mélo. Ouais, c'est vraiment cool. Et en fait, ça a fait pchit. Ouais. Ça a fait pchit. Mais à l'instar du match contre Nice, ils sont très très nerveux, les joueurs, hein, et dès le début. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'une fois encaissé le but, je suis assez d'accord. On a ressenti que personne ne croyait qu'on pouvait revenir. Oui. C'est triste quand même. Après, c'est un engouement populaire. Mais parce que avant de prendre le but, il y a déjà tout le début du match est complètement foiré. On a l'impression d'avoir des mecs qui ont les miquettes et on est déjà limite heureux. En gros, quand le but est inscrit, t'es presque heureux de l'avoir. Et pas zéro à mi-temps. À zéro à mi-temps, c'est pas. Moi, je me suis dit, c'est pas si mal. Si Odile arrive à faire quelque chose, genre des fois, il y a une magie. Guy. Ouvre la porte. Puis il n'y a plus le but. C'est là qu'Emega apparaît à une jambe avec Panicelli. Mais alors, j'ai très mal vécu parce que j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse comme spectacle. Mais c'était indigne. C'était en fait, t'as le droit d'être stressé, de pas voilà, d'être un peu mal dans ta peau, j'en sais rien. Mais à ce point-là. T'as payé combien à la place, voilà. Trop cher. Voilà. De toute façon, j'aurais payé 3,50 francs, ça aurait déjà été trop cher. Non, mais c'est là, je trouve qu'au niveau, encore une fois, voilà, demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pour en arriver là, c'est même pas la peine. On s'est chié dessus. Ouais, on s'est chié dessus. Je sais pas si on s'est chié dessus. Des enfants contre des adultes. Ah, tu sais pas. Parce que c'est vrai. Bah là, moi, franchement, c'est ce que j'ai. C'est rigolo. C'est ça des. Après, finalement, dans cette Coupe d'Europe, il y a un bon match en fait dans cette Coupe d'Europe. Hein. Alors, il y a un bon match contre Mainz. Il y a des gens méchants qui ont dit qu'effectivement, on avait joué que des clubs de merde. Bah, c'est et vrai. Que c'est vrai en plus. En fait, on a joué un match contre Mainz. En vrai, sur cette fin de championnat, moi, j'ai l'impression qu'on a joué peut-être 3 mi-temps et demi. Sur les 10 derniers matchs. Absolument. Non, mais... Et le pire, c'est que ça aurait presque pu suffire. En fait, tu vois un peu cet exercice de management où tu réfléchis au coût marginal et tu te dis, ah, il faut que je me mette juste au-dessus du coût marginal pour essayer de choper le marché ou le consommateur. Et en fait, juste, tu passes juste en dessous. Parce que Gunn nous a quand même fait une dinguerie sur ce match. Il nous a mis Ouattara en 10. Ce qui n'a franchement pas marché. Ça n'a pas marché. Ça, oui. Barco et Doué sont revenus, à mon avis, à moitié blessés encore. Hein. Alors, Doué, j'ai trouvé match pour un mec qui a perdu 6 kilos, qui s'en est passé. Genre, le mec, il s'est donné corps et âme. Lui, genre. Il a donné son corps à la patrie. Hein, tu peux rien lui reprocher. Quoi. Il a un fou allié, quoi, qui le débordait à donf sur le côté. Oui, non, ça aurait été pire. Mais oui, oui. J'ai l'impression qu'il a tout donné, c'est le seul qui était un peu près au niveau. Moi j'ai une question juste pour l'ensemble de la table. C'est moi le quiz. C'est juste émotionnellement, vous avez vécu ça comment? Parce que alors peut-être que moi la première mi-temps j'étais atterré, la deuxième mi-temps j'étais foudrage. Alors, moi j'ai l'impression, non, par rapport à la prestation, de voir ça en demi-finale de Coupe d'Europe, vraiment, enfin moi, non. J'ai trouvé que le stade a l'air, ouais, bah c'est ok en fait, on est nul, mais c'est pas grave, c'est voilà. J'étais pétard. Voilà, merci. C'est peut-être la seule et unique fois où on aurait pu se hisser un jour en finale de Coupe d'Europe, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, Bouco, plafond de verre, Adunienia, avoir des moyens et tout. Et beaucoup de gens voient la Racing beaucoup trop haut par rapport à ce qu'il est. On reste une ville, la 8e ou 9e ville de France, on reste un petit club qui a un palmarès local, français et tout. On n'est pas un grand club européen, il faut juste redescendre sur terre. Et là, un concours de circonstances incroyable contre des équipes, des demi-mongoliens qu'on a rencontrés pendant toute la compète. Non, on n'a pas le droit de le dire. Ah merde, j'ai pas le droit de le dire. Faut couper, c'est la raison de la 56e. Demi-mongoliens, non. Non, c'est non. Ah, non. Non. Non. Et on a vraiment l'occasion d'aller un jour en finale. Oui, c'est peut-être la petite, mais moi je prends. C'est la petite finale, c'est avec c'est nous. Coup mais c'est cool. Et en fait, c'est un acte manqué. On l'a pas joué. Quoi. On s'est pas donné la chance d'y aller. C'est ça. Mais honnêtement, vous le sentez arriver. Moi je sentais après Nice et puis le match aller, je sentais la catastrophe arriver. Paolo, à quel moment tu croyais avant l'aller, avant le retour? Moi j'y crois toujours parce que je pense que l'essence d'être supporter, c'est d'y croire, parce que sinon tu restes chez toi, tu fais autre chose, tu joues au terme. C'est bien dit. Voilà. Mais du coup, je joue à Cagnard aussi, petit chevaux. Alors, première mi-temps atterré, je me suis dit, c'est la mi-temps, il y aura peut-être un discours là, et les Jacques, alors les gars, on est en demi-finale. Et j'ai pensé à France-Croatie, je me suis dit, les gars, vous voulez l'avoir la finale, vous voulez pas l'avoir. Et bien, putain, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Et là, du coup, de finale, 45e, 50e, 55e, il n'y a rien qui change. Et là, effectivement, j'ai commencé à péter un câble. Et ouais, super, super déçu. Et outré, quand même, comme visage, voilà, le Racing en demi-finale de Coupe d'Europe, tu joues ça. Et en fait, tu joues pas. Là, c'est décevant, moi je suis d'accord avec toi, c'est décevant pour le club. C'est rageant. On aura pas ça chaque année. Mais sincèrement, ces joueurs-là, est-ce qu'ils vont faire beaucoup de finales? Mais ils font jamais rien. Et il y a des finales de prédictuel, on fera plein. C'est ça aussi. C'est que eux, c'était leur chance. Oui. Voilà. Encore une fois, ils sont aussi devant cet écueil. Ils pensent tous avoir une carrière magnifique, la Ligue des Champions les attend, gagner des finales de je ne sais quelle coupe de. Ils gagneront jamais rien. L'Europe, d'ailleurs. Mais en fait, pour beaucoup, ça sera une opportunité qu'ils n'auront plus jamais, même s'ils ont 18, 19 ou 21 ans. Et je tiens à dire qu'il y en a qui sont belges. Donc ça veut dire qu'ils ne gagneront jamais rien. Ils ont des mentalités de merde. Et comme Gon a insulté le football avec ses compositions en championnat, eux, ils ont insulté le football parce qu'ils ont fait dans cette demi-finale. Et je suis persuadé qu'ils le pourront. Ils n'auront jamais rien. C'est du karma. Mais bien sûr, ouais. C'est du karma. C'est du bad gun. Regardez, c'est pas le bad gun. Et j'ai une autre question à soulever. Alors, moi, je dirai ce que vous en pensez, mais le cop qui sort Merci les Bleus, moi, j'ai trouvé ça complètement hors de propos. Hein. Merci les Bleus. Attends, alors peut-être que la banderole était prévue au cas où, je sais pas quoi, il y a un beau match homérique qui en perd au bout du suspense contre un Rayo Vallecano. Irrésistible, mais là, sortir une banderole Allez les Bleus. Merci les Bleus. Non, pas Allez les Bleus, Merci les Bleus, ouais. Dans tout ce match, il y avait un côté un peu boursouflé, en fait. C'est-à-dire que le truc a été un peu survendu, ça manquait un peu d'énergie primaire. Je vais faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut avec le match de Francfort. Il y a 4 ans, 5 ans. Ouais, chez nous, on gagne 1-0 là, avec un but du Borgne. Il y avait une. Non, c'était pas Jean-Marie. Il y avait une espèce d'atmosphère vraiment électrique dans le stade. Ça, là, tout le monde y était. Quoi. Et on était en sur-régime total. Hein, c'était encore quelques bouts de l'équipe de Ligue 2 nationale qui traînaient, qui sont arrivés là un peu avec la chance du diable. Le vrai Racing. Et après, on va à Francfort et on se fait éclataxe. Des deux côtés, je veux dire côté tribune et côté dans les grandes larges. Et côté dans les larges. Mais on tombe les armes à la main. Après avoir mis tout ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose, mais on se fait éclater. Ouais. Mais là, quelque part, tu pars sans regret. Alors que là, c'était comme si tout le monde était boursouflé de sa propre importance. Tout le monde a survendu cette espèce de Coupe d'Europe au lieu de le prendre dans le sens inverse, de dire, ok, c'est une coupe de merde, on est un club de merde, non. On va y aller. Mais il faut pas parler de l'histoire. Mais non, mais je suis pas d'accord. Une coupe d'Europe, c'est pas une coupe de merde, et on n'est pas un club de merde. Moi, je suis désolé. On est peut-être pas le meilleur club d'Europe, mais on est quand même un grand. Enfin, on est un club. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Et voilà. Ce match-là, il fallait. Ok, le perdre, c'est pas un souci, mais le perdre comme ça, non, c'est indigne. Et ça reflète bien, in fine, ce qu'est le projet groupe Blueco, c'est un truc, une espèce de n'importe quoi, où tu auras peut-être des petites satisfactions. De... En fait, désolé pour ma formule. Voilà, là, mais ce club, elle est actuellement vide, et ça, c'était un match reflet. Ça a sondé la profondeur de l'âme de ce club, et c'était Walou, que dalle, Macache. Alors, on est d'accord. Tintin. On se satisfait, finalement de l'image plus que de l'essence. Et du coup, quelque part, c'était genre. On était presque content parce qu'on allait vendre des bières au bar, quoi, du côté du club, quoi. Tu vois, c'était pas ce que ça. Ah oui, mais le club, il a. On dirait Radio Stoum. On est content. Non, mais le club. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est les mecs, ils sont allés sur le terrain comme nous, on est venu à Radio Stoum. C'est exactement ça. Non, mais plus. Voilà. Non, mais plus. Non, c'est de bien. Non, plus d'expérience. Ouais, ouais, ouais. Et encore, ouais, ouais. Je suis obligé de faire mon rôle de garde chiourme. JP Larky, la voix de la sagesse avec vous. Je veux dire un truc. C'est que ça, c'est vraiment. Merci. Hein. tout le temps dans ce club qu'on aime, mais tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, c'est à cette image. C'est-à-dire tout est boursouflé. C'est beau, après. Hein, tout est gonflé comme une baudruche. Allez, au lieu d'être vrai. Au lieu d'être vrai. C'est des influenceurs. Parce que c'est pas grave. Ouais. Pourquoi pas en construire une équipe de jeunes, mais arrêter de vendre plus que ce que c'est. Mensonge. Ouais, pas de mensonge. Mais qu'ils le disent que c'est juste pour faire du pognon et du spectacle et vendre des conneries tout à la boutique. Tout est à l'avenant. Ouais. C'est-à-dire que la manière dont les DNA couvrent le club, c'est de la baudruche. L'équipe. C'est gonflé. L'équipe. Ouais, mais alors eux, de toute façon, ils ne sont pas aidés. Hein, avec, le scooter. Voilà. Les gens qui créent les réseaux sociaux, on n'a jamais vu ça autour du Racing. Et c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que des gens voient des baudruches et se prennent eux-mêmes pour des baudruches avec des avis qui seraient intéressants. Et ouais. Tout est faux. Il y a un retour de la kiss cam. Tout est faux, c'est ça. Ouais, tout est faux. Tout est faux. Exactement. Mais la réalité, c'est celle que Roulian a dit, c'est celle que t'as dit, c'est celle que t'as dit. C'est-à-dire que la réalité, on avait une chance. On avait une demi-finale de Coupe d'Europe. On avait une chance. Et elle était de notre niveau. Et il n'y a aucun problème avec ça. C'est clair. Et ces cons-là, parce qu'ils vivent dans un monde imaginaire où tout doit être survendu, parce que tout est faux, encore une fois, on est dans le même monde que la bourse, on est dans le même monde que les start-up, on est dans le même monde que les marchés dérivés, on va inventer des choses par rapport à un marché primaire. OnlyFans. Ouais, exactement. Et à cause de ce délire, eh ben, la réalité, on l'a insulté, le football, on l'a insulté, et la réalité, c'est qu'on l'a dans le cul. Je ne sais pas quand on aura une Coupe d'Europe. Et franchement, c'est insupportable. Et à contrario, mon cher. Il est champion dans deux ans. Là. C'est bon, podium. Du JP Darky sérieux. Avec Chelsea ou avec Strasbourg. Oui, mais je suis rarement sérieux. Mais on a Marco encore. Et c'est Paolo Erulian qui parlait de la colère. Non, Marco, il part. De la deuxième mi-temps. La colère de la deuxième mi-temps. Elle est réelle. C'est scandaleux. On en a perdu des matchs et c'est pas grave. Mais là, c'est scandaleux. Mais à contrario, tu parlais de factice, de faux, etc. Effectivement, tout est faux dans ce Racing-là. Et à contrario, ce club de la banlieue de Madrid, à Rayo Vallecano, là, il y avait un peu de. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas un modèle vertueux non plus. Il y a aussi du pognon, il y a aussi. Voilà, tout ce que tu veux. Mais là, eux, ils étaient. C'était un truc vrai avec un minimum de consistance. Voilà. Ils m'ont fait penser à la chanson Miosex, ça sent la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foi, quoi. Voilà, moi, en tout cas, j'étais content, limite, de me perdre contre eux. J'aurais préféré, j'aurais surtout pas préféré perdre contre. T'imagines, on aurait joué un club français en demi-finale. Genre, alors là, j'ai joué FC Metz. Ouais. FC Metz en demi-finale, tu perds contre FC Metz qui va en finale. FC Metz, on les défonce en demi-finale. J'ai une excellente question de Rafaï. Oui. Donc, du coup, Rayo ou Aston Villa en finale? Rayo. Donc, Crystal Palace. Non, non, c'est une question, non, non, c'est une question de Ricard Lewis 67. J'allais la poser, mais absolument. Ah, mais c'est pas la question que Morfin a essayé de poser. Tour de table, supportez-vous le Rayo Vallecano ou Crystal Palace en finale? Ah, moi, Rayo à fond, moi j'adore le Rayo en plus. Limite contre le Racing, j'étais pour le Rayo, alors. Non, je rigole, mais. Mais alors, j'ai croisé Hathor juste avant le match qui m'a dit ouais, qu'il était à fond pour le Rayo. Lui, Hathor, on salue. Hathor, qu'on salue et qui est invité à la prochaine émission. Mais bon, après, c'est un point de vue, c'est comme on déteste beaucoup, ben on supporte l'adversaire du Racing. Mais du coup, est-ce que quelqu'un pour Aston Villa, qui sait toujours sur la place, mais. Non, mais je ne pas. Millwall. Bah non. Bah à la marge, on vous remet à l'état. Après, le club anglais, voilà. Ça fait chier, quoi. Bah non, ça c'est pas mal. Mais c'est un club victime de la multipropriété. Exactement. Oui, oui, non, il y a un côté. C'est silence, sont nos frérots, c'est peut-être aussi nos frérots. J'ai vu un mec qui a dit un truc du style je sais plus quel mec du Havre fait une Panenka, donc Crystal Palace va gagner une Coupe d'Europe. Parce qu'à la base, Crystal Palace avait donc gagné la Cup. C'était censé aller en Europa League, et comme les affaires avec Lyon étaient encore totalement démêlées à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils atterrissent avec Lyon. Ouais. C'est beau. Ouais, ce serait beau. Quoi qu'il en soit, j'avais un truc vachement bien à dire. Mais moi, ah oui, alors pas trop football fiction. Queen Park Rangers. Si on ne gagne pas contre Crystal Palace, je ne me souviens pas. Par champ, je sais. Okay. Mais si on par gagne... une chatte de. Mais voilà, c'est ça. Si le miracle n'a pas lieu, qu'est-ce qui se passe? On a des on change de classement ou on reste non, les non, on t'as deux morceaux de gigot à Pâques, en plus. Ah ouais. C'est ça le rapport. Bah moi, ça marche. Après, moi, j'ai senti quand même dans ces matchs la même chose que l'an dernier contre le Havre. Hein. C'est qu'à un moment donné, ça se chie dessus, et puis... Clairement. Voilà. Ah, peut-être c'est la question aussi de l'expérience, machin, mais on développera dans le Radio Stoum. J'ai discuté avec un journaliste qui n'est pas de l'équipe et qui a dit cette équipe a... n'avait pas l'envergure pour jouer les grands rendez-vous. Ouais. Et je pense que ça s'est vérifié. On a fait des coups, hein, je pense, à Paris, mais on en parlera pour la bilan. Il nous reste les trois derniers matchs. Alors, j'allais te proposer, parce que est-ce qu'on fait un paquet? Eh ben, genre, rien à branler. Voilà. Et on passe au quiz de Calcio. Rien à branler sur les trois, mais il n'empêche. Il n'y a pas encore les questions. Bah là, tu gagnes à Brest. Tu gagnes le match rocambolesque contre Monaco que tous nos auditeurs ont bien sûr regardé. C'est génial. Mais il n'empêche que ce match contre Angers où tu fais un match nul tout pété. Dégueulasse. Si tu le gagnes, tu finis devant Monaco à la 7ème place. Oui. Et sur un malentendu, tu fais la même saison que la saison. Mais est-ce que vous l'avez en fait le match? Ce truc-là est annulé parce que exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on se serait chié dessus. Pas d'un côté d'un coup, alors. Au niveau de l'enjeu, mais oui. Mais alors, juste avant, parce qu'on a parlé du Rayo, on n'a pas parlé de Toulouse. Le match juste avant. Non, on avait dit qu'on s'en branlait. Non, mais on s'en branle. Pourquoi? Mais ça conditionne aussi, parce qu'on perd 2-1 à la maison. Tandis que le Rayo, eux, ils vont battre Reta fait à l'extérieur 2-0. Donc tu pars déjà sur une base différente au niveau de la confiance. C'est toujours dur de gagner contre Ratapé qui est spécialiste des 0-0. Oui, ça après, c'est... Après, le Conan. Ouais, mais ça c'était dans les années 80. Puis heureusement qu'on a fait tourner, t'as vu ce qu'on a fait avec l'équipe 1. Ouais. Imagine si on avait mis l'équipe 1 en championnat à chaque fois. Évidemment. Alors, on peut parler plus des matchs. Bon, enfin non, ça c'est... Bah, est-ce qu'on ferait un truc du genre? Parce qu'il y a question limitée. On fait un tour de questions limitées, il y en a beaucoup. Mais on fait en version flash. Ouais, ok. Donc on répond oui, non, rien à foutre. Voilà. Et en tout cas, walk of shame aussi. Chacun cite son joueur qui il pense c'est sa faute parce qu'on a fait une seule saison merde. Ok, c'est bon. Ou son mec du staff. On commence par ça. Ou Kader Mangan. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti, Kevin Mitel. Allez, c'est parti. On y va, vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Alors, Rika Lewis. Ah non, on a déjà eu. Donc, on va poser Rumi Steiner. Ah. Sur le site racingstube.com. Attention, vous êtes prêts. Gon a-t-il l'étoffe pour entraîner le Racing? Qui ça? Gon. Rien à foutre. Rien à foutre. Je sais pas qui c'est. Rien à foutre. L'étoffe des zéro. Parfait. Ça, c'est bon. Donc, Rumi Steiner, c'est pas de toi qu'on a rien à foutre, ni de ta question, mais de savoir si. Mais non, merci. On se respecte. Attends, il faut dire merci d'avoir. Merci, voilà, merci, parce que, merci pour la question. Ouais, voilà. Merci beaucoup d'émotion. Merci de nous écouter. Arthas, du site racingstube.com. Vous êtes prêts? Ah ben, c'est chaud. Enfin, prêt. Quel avenir? Alors, vous allez accrocher vos biens aussi, parce que celle-là, vous la voyez pas venir, je vous le dis tout de suite. Quel avenir pour Silla ? Ballon d'or ! Ballon d'or, oui. Oui. Shield game. Moi j'ai bleu, mais le lundi seulement. Obi-Wan et Gbali. Ok. Donc. Ah, mais Gunn le relancera. Mais tu m'as dit quoi ? Oui, oui, Gunn le relancera. Et. Bah, déjà, il est dans Silla, non ? Très bien. Oui. Ensuite, mais parfait, c'est bon. Arthas, quel avenir pour Manga ? Non. Ce n'est pas une boisson. Non, non, non. Non. Non. Là, rien à foutre. Je sais pas qui c'est. Stop. On parle, et on s'en fout. La suite de la question, on passe à une question suivante. Non, elle est bien. Non, remercie quand même le auditeur. Merci. Arthas. Merci, Arthas. Merci beaucoup. On parle de 40 millions de 7 jours, lui. 40 millions d'euros investis pour ces trois-là. Soit le budget d'un petit club de L1, 3 petits points. Je dis juste quand même. Oui, non, c'était intéressant. Il y a une réflexion. Alors, voilà, non, mais la réflexion, c'est juste de dire que finalement, avec les joueurs, il n'y aura pas tellement d'argent de gagner parce qu'il y a tous les billets. On n'a pas parlé de Mara non plus. Excellent. Hein. Mara, avait... Mara, il arrive. Ah, il était dans la question. Il était dans la question. Mara, Mara, Mara, bien sûr. Alors, Lukovic, Perea, on a quand même un. Attends, mais ce que tu as dit était excellent, ça nous permet de rebondir sur Mara. Ah, c'est pas. Là, c'est. Je pensais que c'était moi. Est-ce que quelqu'un arrive à faire la faire la voix de mammouth. Non, pas du tout. Ah, de mammouth. Oui. Elle, mammouth, mais bien sûr, tu as fait le doigt à mes hommes. Alors, mammouth, qui dit, parce qu'il n'est pas mammouth en fait, puisque c'est le chef des. Qui dit, hein, tu vas voir, dis ce que tu as dit à propos de la valeur des joueurs. Je te rappelle, on parlait de 40 millions d'euros, et mammouth répond d'un air taquin, il faut juste remplacer les euros par des francs CFA. Et cette question Mitel qui n'est pas une question Mitel. C'est qu'un problème de devise en fait. Un grand bonjour au continent. Merci à Mammouth. On continue. Allez, vous êtes chaud ? Vous êtes hyper chaud, on y va. Pire. Oh putain, Gus, non, c'est pas une question Mitel, c'est bon. Samash. Ah, Samash, oui. Putain, j'avais oublié que ça existe. Enfin, que tu existais. Ben, salut Samash. Hein. Ça m'a dit, il paraît qu'il travaille dans un domaine. Je crois que ses enfants sont plus vieux que lui maintenant depuis les À quoi sert encore Kenneth ? Pour l'interrogation ? Il y a la foutre. Keller, il sert à humilier jusqu'au bout ce qui reste du Racing. C'est plus long. Je ne peux pas passer après le boulot. Bah, ça dépend. Ni après Kader Morgan. Moi j'ai une question. Mais justement, parce que justement. Pas. Les deux. Et ce qui nous permet d'enchaîner la question suivante, on était à quelle heure ? Les deux, mon général. Là, on est à 1h13. 1h13 ? À quoi sert Mongal ? À quoi sert Mongal ? C'est la question suivante, elle est réelle. Bah, faire question. Rien à foutre. Certainement pas accompagner Mega. Là, j'en ai rien à faire. C'est le seul truc qu'on a vu Mangan faire, c'était il gérait les gars qui faisaient des interviews au bord de terrain, il était là pour faire un peu le grand frère. Ouais. Donc s'il y a un type qui doit empêcher Emega de faire sa connerie là, où il débarque avec son tête de soleil et son costume de Mad Max de Volkov, c'est dire Mangan. Il est censé lui faire un espèce de. Mais je crois que c'est ça le plus effrayant avec ce mec, c'est qu'il n'y a personne pour lui dire. Il n'y a plus d'autorité. Arrête. Un club, ça pourrit par la tête. Donc, à partir du moment où le président raconte tout et n'importe quoi. Voilà, merci. À partir du moment où l'entraîneur se barre au milieu de la saison parce que le grand frère a préempté, il ne faut pas attendre du coordinateur sportif qui se dise « Putain, je vais dans un contexte qui est déjà un peu compliqué, on vient de perdre, tout le monde est frustré ». Le gars va évidemment pas avoir le drive de se dire ah bah tiens Michel est en train de faire une connerie, je vais l'empêcher de faire une connerie, tu vois. Mais le club pourrait par la tête, tu vises explicitement Keller. Non, c'est en mars. Ah oui, bien sûr, oui. Non mais là, ça fait quand même depuis 2012, hein. Non mais je dis juste que Keller il a depuis 2012. Mais, je rappelle. Non, on est sur le bilan de fin de saison, il y a le bilan de la saison, il y aura le bilan des années Keller. Quand Marco sera parti, il y aura le bilan de depuis Keller. Le navire Racing était-il un bateau ivre ? La nef des fous peut-être. Thomas Fritz. Et la Naveva. Gone supérieur à Rosenior pour l'interrogation. Ah, bonne question. Ah, ça marche. On peut répondre sans donner d'explication et après, il a déjà des dents plus blanches. Ouais. Moi, j'ai des réponses. Bon point. Non. Voilà. Non. J'ai pas bon argument. Non, moi je suis d'accord. Non. Moi, sur un point de vue. C'est meilleur. Non, c'est pour moi. C'est du même tonneau, quoi. Sportivement, c'est de la merde. Voilà, c'est ça. Par contre, d'un point de vue, il est moins merdique. Voilà. D'un point de vue humain et. Oui. Et bon, tu vois, c'est pas difficile. Aura, je sais pas comment on dit le truc qu'on dégage de l'aura ou de ouais. Le juste pas se foutre de la gueule du monde. Il n'y a pas la faux-cuterie. Encore une fois, sur. Encore, pardon. Non, mais Rosenior, il était extrême, quand même. Moi, après, j'avais dit, au dernier Radio Show, j'avais dit, est-ce que c'est un enculé? Pas un an, avec un enculé. P, qui met des pulls de Noël, on avait dit, hein. Ouais, voilà. Donc, on avait dit oui, apparemment, mais. Un dernier mot sur Améga? Allez, tous, tour de table, un dernier mot. Vite. Ah, oh là! Moi, j'avais. Ouais, c'est ça. Adieu. C'est on le verra plus. T'avais dit salope, il avait dit salope. Alex, bâtard. Ah, oh, big up bâtard. Inglorious bâtard. Oh. Et alors, ça c'est quasiment le titre d'un petit YouTube, ça. T'en as deux qui rachètent une bâtard. Inglorious bâtard. On a deux mille titres. Non, le premier est largement mieux. Avec la bande espagnole. J'ai trouvé mon mot. Ah, attention. Oubliable. Oublié. Je te sens très, très, très sage, poète, très, très poète, ouais. Ouais, pour moi, c'est aussi une oreille qui a une petite tente. Une petite merde. Un petit événement de révise. Et il sera oublié et il sera relégué dans les chiottes du club. L'histoire. Dans les portes belles de l'histoire. Même Bruno Rodri-Merguez aura laissé une plus grosse trace grâce à son coup de couteau. Et le coup de couteau à Duguay-Blo aussi. Et sa jambe en moins. Et en plus, ouvre la porte. Si Emmanuel Emega perd une jambe. Oui. Agresse un entraîneur avec un coup de couteau. On n'est pas. Et participe à Masked Singer. Peut-être qu'on va reconsidérer notre position. Exactement. Tout est possible, on n'est pas fermé. Même. À moins qu'on se le refasse compléter. Mais l'idée de ce mec, c'est pas des champions. De Masked Singer. De Masked Boulard, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, B-E-L-E-U-H, vous vous dépêchez de répondre, je vous sens un peu mou. Et bien quoi les questions de Ross, là? Elles sont sur Twitter, mais là, j'ai décidé. On répondra par écrit. On va y répondre. Elles sont extrêmement bilan et on a le bilan calmement se ferait au mois de juin. Mais comme il suit en direct, là, il. Ok. B-E-L-E-U-H de Racing Stub. La méno qui approche de la fin de sa rénovation, bilan stade, point d'interrogation, ce qu'on aime, ce qu'on déteste. Donc, chaque personne ici donne une chose qu'il aime, une chose qu'il déteste. Au stade de la méno. C'est là où joue le Racing. Le Racing Club de Strasbourg, c'est le club que tu aimes, je te rappelle. Paolo, tu peux commencer. J'aimais mieux avant quand même. Hein. Alors, Paolo, ce que tu aimes, au stade. Ouais, c'est que t'aimais mieux avant. Est-ce que t'aimes mieux et moins? Ah, moi j'aime bien la bière au stade. Ouais. Et si. Non, la tribune n'est pas trop mal, la nouvelle, là. Ce que j'aime pas, c'est que c'est un public mainstream, très, très Disneyland, donc on n'est pas dans un stade de foot, on est comme au Place des Halles samedi après-midi. Hein. Voilà. Ok. Ce que tu aimes, ce que tu détestes. Ah, je parle à Calcio, je dis ça pour lui. Ouais, c'est compliqué de répondre. Hein. Moi, je sais. Je réfléchis. Ouais. Ouais, moi, j'aime les chiottes. En général, il n'y a pas que. Non, mais chiottes, ils sont bien. Ils sont mieux qu'avant la rénovation. Ah, c'est tous les urinoirs en inox, ça te fait un petit peu. Moi, j'aime bien les chiottes. Et ce que j'aime pas au stade de la Méno, c'est Emega. D'accord. J'aime pas Emega quand ils jouent au stade de la Méno, j'aime pas. Enfin, à l'extérieur non plus, j'aime pas. Mais par contre, quel air en tribune, c'est OK. Pas de problème. Mais c'est Emega quand ils jouent, j'aime pas. Mais par contre, j'aime bien les chiottes. Ok. J'aime bien les chiottes. J'aurais du mal à répondre. J'aime bien. Bah, les cheeseburgers, elles sont pas si mal, finalement. Trop cher. Mais c'est cher. Mais ça, c'est comme la mélo. C'est cher, mais ça va. Ce que j'aime pas. Moi, j'aime pas la tribune sud. Je sais pas. Tu l'aimes pas. On n'est pas d'accord. Ah, c'est une verrue difforme. Ce que j'aime pas, c'est qu'elle brise elle brise la symétrie du neuf. Du neuf. On se croirait à la sans rien. C'est ça qui me fait du mal. Ah ouais, d'accord. Elle brise la symétrie. Ah, moi, j'ai trouvé. Mais ça faisait. De l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur, ça va. Ouais. L'extérieur, je trouve ça marche. Je trouve ça casse D'accord. Ce côté crotte en bronze qu'on avait avant, symétrique. Mmh. Là, maintenant, il y a comme une grosse. Ouais, mais c'est ça. Quand t'as bouffé un truc qui n'a pas. Oui, du maïs. Du maïs, je ne digère jamais le maïs, donc je retrouve le maïs dans ta merde. Et le masque est pareil. Aussi. Allez, non, j'aime bien le dé. Voilà. Ça, c'est comme quand tu manges, je sais plus quelle céréale, quand tu la prends pas là. Non, c'est pas le maïs, non, c'est un autre truc, c'est un truc tout petit comme ça, brun. Le chien ? Non, pas le chien, un truc dans le genre là. Alors, mais je propose que Strotik nous parle. Non, pas les pôtres. Du coup, Strotik, toi, tu balances le chien. Calcio, dès que tu sais, tu y vas aussi. Comment est ton transit ? Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes dans le nouveau stade dit de la mine ? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on soit resté au même endroit. Donc, je suis une petite chose pleine d'habitudes, j'aime mes habitudes. Je peux aller du local fédé à pied jusqu'au stade et tout, c'est bien. Je suis assez vite rentré chez moi, c'est bien. Ça, c'est cool. Ce que je déteste, pour rejoindre un peu un point de Paolo, je trouve que il y a eu une bascule et que maintenant, le Racing, c'est un endroit où c'est bien d'aller. Et c'était vachement mieux quand c'était un truc un peu crânable. Quand tout le monde te disait, genre, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est connard, ça va pas jouer. Ça pue la pisse, c'est nul, il y a que des cons. Et là, maintenant, depuis que c'est devenu le dernier chien. Alors que c'est pareil, hein, ça pue la pisse et il y a que des cons. Quand t'as des collègues ou des vagues relations qui t'envoient des textos en mode, je suis au stade, c'est génial, il y a Johnny Depp, et là, t'es là. Je suis au stade avec Jackie. Ça m'est arrivé, en fait, j'ai répondu par erreur à un message, ce type qui poste toute l'intro du dernier match contre Monaco avec le Johnny Depp, etc. Je pensais qu'il écrivait en privé. J'ai répondu « Nul à chier ». En fait, j'étais sur une boucle professionnelle. Ça a pas voulu faire avec moi. Ah oui, ce côté un peu franc du collier. Un peu, tu vois, genre les gens qui viennent se ramener juste pour dire ouais, « J'y étais ». C'est ça. Ça, on n'avait pas avant. Avant, on était juste entre nous, entre connards, c'était bien. Mais avant, j'ai l'impression que tu parles même d'avant 2011. Hein. Non. Là, on était vraiment entre nous, c'était jusque entre 2000 et 2005. Hein, jusque 2017-2018, ça allait à peu près, quoi. Je sais que Paolo est déjà d'accord avec moi. Mais ce débat n'aura pas lieu aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Donc ça, c'était ce que t'aimes pas. Est-ce qu'il y a un truc que t'aimes bien? Non, t'as dit. J'ai dit la localisation. Donc on va demander à Alex. Non, c'est comme tu vas dans un hôtel, les chiottes étaient bouchées, mais c'est. Mais je précise juste. J'aime demander à Roulian. Je précise juste qu'effectivement, la nouvelle tribune, j'ai dit j'aime bien parce que ça permet de rester au stade de la Méno, parce que si tu voulais reconstruire un autre stade, ça aurait été un truc de merde avec Bolsa. Tout s'explique. Ben oui. Là, pour le coup, c'était... Et par rapport aux fosses... Tu te rappelles les fosses à la con, là, sous il y a toujours des fosses, hein. Ouais, mais ça se voit moins. Je trouve que c'est plus harmonieux maintenant. Ce qu'ils en ont fait, c'est quand même plus harmonieux que... Mais sans transition, on est Alex. Et Calcio, quel jeu tu as trouvé? Ouais, moi ce que j'aime pas, en fait, là pour. Excuse-moi, hein, quand les joueurs rentrent, il y a 3 ou 4 musiques d'entrée. Ah, c'est de la merde. Alors là, je comprends pas trop. Je pensais que c'était un bug là. Mais... Moi je croyais que c'est quand les joueurs rentrent que t'aimes pas. Juste quand ils arrivent. Ouais, c'est ça, ouais. De manière générale. Moi je préfère quand ils sortent. Parce que le match va commencer, donc j'aime pas. Mais ça, tu anticipes. Oui. Parce que tu sais que les joueurs vont rentrer. Par contre, les 3 ou 4 musiques d'entrée. Ça, j'avoue que j'ai pas très bien compris. C'est comme le jeu de lumière. Hein, tout ça. Ah, j'adore. C'est atroce. C'est horrible. Lumière. Et après, il y a 2-3 musiques qui s'enchaînent. Il y a le vieux coming home qui vient, mais une fois que les joueurs sont sur le terrain. Est-ce que t'as noté le petit détail, le battement de cœur en fin de truc qu'on entendait en CFA2? Oui, mais JB Larkin, tu peux me dire que c'est toi qui avais fait la musique de la CFA2, non? Écoutez, c'est vraiment pas pour ça que je disais. Hein. Non, mais c'est vrai que je l'avais pas noté, mais c'est vraiment. C'était nul, mais c'était fait avec le cœur. Exactement. C'est vrai que c'est vraiment à chier. Vraiment. Oh, mais ça va, oui! D'accord, alors, attendez, on va à Calcio. Qu'est-ce que tu aimes? Faut que tu dises un truc que tu aimes et après c'est Alex. Moi, je suis content de rester en tribune ouest, même si ça pose un autre souci, mais on parlera plus tard, de tous ces gens qu'on. Incasables, hein, qu'on peut qualifier d'incasables, qui sont en ouest parce que les populaires n'existent plus. Et je laisse ma parole puisque le temps est compté. Les gens un peu douteux, ouais. Par contre, pour la consigne, pour les ouais, mais justement, moi ce que j'aime, c'est les gens qui chantent. Et ce que j'aime moins, ouais. C'est les gens qui voudraient que les autres y chantent. Ah oui. Ah, c'est pas mal, c'est une belle position. On dirait que les gens en ont parlé. 69, c'est assez pauvre, ouais. Ah oui, je suis désolé. 69 suppos. Supporter. Moi, ça me fait penser à Nana Mouchko. Quand tu chantes, ça va. Alors, on me dit, dans l'oreille, Oui. Pas obligé. J'avais un truc à dire. Vas-y. Qu'est-ce que t'aimes pas? Oui, moi, ce que la cocaïne. Non, ce que j'aime pas, c'est que le stade de la maison, c'est plus le stade de la maison. C'est la, cette nouvelle tribune qui casse l'harmonie des arches. Ça me dérange. Les orches. Ouais, les orches. Il y a plus les arches, il y a toujours les orches. Ce que j'aime bien, c'est que c'est devenu effectivement un endroit de rencontre populaire où il fait bon aller. Et... Comme la place des Halles. Comme la place des Halles. En t-shirt, c'était rive étoile. Avec du matos. Si tu peux avoir ton t-shirt. Hein. Voilà. Mais avant ça, on me dit que c'est l'heure du quiz de quelque chose. Parce qu'on est quand même sur 2h05 là. Ah ouais? Pendant une heure. Non, mais si on veut terminer dans un horaire où on va perdre. Pas le dernier auditeur, ça serait bien. Ross, il est toujours là. Ross, c'est pas des histoires, il regarde la Rai Uno actuellement. Je sais pas pourquoi, mais il regarde la Rai Uno. Le quiz de Calcio, je le sens velu, il va durer 15 minutes. Ah là, il va durer très très longtemps, mais parce qu'on est beaucoup, on a un guichet fermé aujourd'hui. Le combattien de Smash. Je. Un 100 mètres de nouveau, puisque les Jeux Olympiques de Los Angeles n'ont jamais été aussi proches. Les buteurs qui ont marqué minimum 10 buts depuis la saison 2000-2001. Il y en a 50. En tout. Combien de buts 10. Match officiel. Donc le match amical contre Mulhouse, ça compte pas. Voilà. Le match amical contre Valéry. Voilà, je vais prendre aucun risque, je vais dire Panicelli. Panicelli. Je crois qu'il est dedans, mais c'est même sûr. 20 buts, excellent. Au total ou sur une saison? Au total. Au total. Mon héros, Emega. Il compte? On doit le compter ou pas, Emega? Sur une saison. On peut le compter. Bonne réponse. Il y a 50 joueurs. C'est 10 buts, hein, c'est ça? 10 buts minimum. Donc à 10 buts, je prends 9 buts, je ne prends depuis pas. Depuis 2001. Ah, ok. Depuis 2000. Plus ou moins. Ah, égal. Depuis 2001. Ajorque. Ajorque, bonne réponse. Deuxième meilleur but. Ah, vous êtes bon. Playac. L'Aveyron est dans la place, tout bête. Playac, effectivement. Je viens de faire prendre les deux trucs que j'avais réfléchi en avance. Yes. Et lui, je vais dire... Et il y en a encore 47. Ouais. Vas-y, de Carrio. Après, je peux passer en match. David Lévy, premier. Combien de buts? 72. Presque, 63. Ouh, Gamero. Gamero, très bonne réponse. Ouais, enfin, un tour, une réponse. Combien Gamero, pardon? Gamero, il en est à 43. On peut le féliciter quand même. Okay. Bouteille. C'est depuis 2010? Depuis 2000. 2000. Ça change tout, 2000. Hein. Saison 2000-2001. 2000-2001, il n'y a pas. Non, ça revient. Putain, les années. Non, les années. Non, rien, il y a 2000-2001. Je sais pas, on a eu Pagis. Pagis, bonne réponse. Bah, c'est depuis 2000-2001. 2000-2001, toi. Je trottine. Nyang. Nyang, c'est une bonne réponse. C'est bizarre qu'il a dit Pagis, il a dit Nyang. Bako, il est dedans, mais alors où l'ai-je vu? Ça le problème, il y a 12 buts, c'est pas grave. Ouais, ça va, il est. Ouh, grand bas. Stéphane Bauken, il est dedans, mais où est-ce qu'il est? Mais il est dedans. Il est dedans. On peut valider, on valide, il est dedans. Valide, il est dedans. Si voilà, c'est depuis 2000-2001, il y a ça, ouais. Oui. Il y a Louis Ndoula. Louis Ndoula, il est aussi dedans. Guy Péguy. Bah oui. Louis Ndoula, c'est 18 buts. Deux réponses. Le Pen. Le Pen. Comme Louis Ndoula, 18 buts. Riche. Ouais. N'est-ce pas? William prend la tête avec trois bonnes réponses, hein, quand même. Putain. De Carvalho. Non. Basile. La bande de Basile. Mais j'ai pas en train de me tromper sur les décennies, c'est ça le problème. Le premier a 7 bonnes réponses. Ah, certes. Tout se mélange, je sais pas, moi. Marc Keller. Keller, ouais. Il en reste, hein. Ouais, mais je me. 47. un peu moins. Ah bah, c'est cruel. Comment s'appelle ce con La cour. Non. La cour, il est 3 buts à 3. Mauvaise réponse, la cour, à part ces 2 buts à 3, moi j'ai pas trop de souvenirs. Il est Dimitri Liénard, mais oui, Dimitri Liénard, il est où Dimitri Liénard? Il est pas loin, mais il est dedans, Liénard. 35 buts comme Blayak. Ah ouais. Je pensais pas. 35 buts. Ah ouais. Pagis. Déjà Manga. Trop tard. Non. Moi, je suis fair play, je vais dire plus Manga. Il a pas marqué 10 buts? Non, il a fait une demi-saison. Non, Paolo, pour égaliser. Alors, logiquement, il devrait y avoir Daniel Dubouya. Ouais, il y a Daniel Dubouya, mais oui, c'est très juste. Il est où Daniel? Dani Gel. Moi, je pense à l'autre celui de la fourrière. Attends, t'es pas éliminé. Hein. Yann Pagis. J'ai dit Dubouya, je pense à l'autre. Dubouya, bonne réponse. Fabrice Arrête. Alors. Mickaël Marsiglia. Au bout de 3 tours, Roulian, Strotim et Paolo, 3 bonnes réponses chacun. Roulian. Ah, on n'est pas éliminé, d'accord. Non, on n'est pas éliminé. Non, on n'est pas éliminé. Ah, mais c'est le premier à 7, c'est le premier à 7. Moi, je pense aux maillots, tu vois, je pense les maillots humains. Le maillot Vallecano. Non, mais... Non. Putain, mais... Il avait un homonyme, là. David Régis. Fanchon. Très, très bien. Première 11 buts. Et du coup, tout à l'heure, moi... Non, 16, hein, quand même. Jean-Alain ou James? Non, James. C'est bon. Du coup, moi, tout à l'heure, quand j'ai dit la course, je pensais, mais ça va être faux aussi, Johansen. Johansen, c'est une très bonne... Non, Si, je crois qu'il est dedans, Johansen. Ouais, non, mais justement, je suis d'accord avec Jupiler. Johansen, il est dedans. Après, les gars, Johansen. Et on a même fourri à Marseille, je sais pas. Oui, il a fourri à Marseille. Il est revenu. Moulongi. Moulongi, qui est dedans aussi. Eric Moulongi. Oui, ça, c'est Pico. Moulongi, 20 buts, effectivement. Alex. Arrache, non. Mais gueule. Je veux dire Arrache, papa. Moi je vais dire Chonchon, du coup. J'ai hésité entre deux joueurs, mais je suis pas sûr et je viens de les oublier. Donc on a dit deux joueurs. Jérémy Grimm, je crois qu'il est dedans. 10 buts pile, t'as de la chance. Putain, ça, joli. Jérémy Grimm, château. Paolo. Je vais essayer Corentin Martins. Corentin Martins. Ah ouais, c'est avant. Il est Corentin Martins. Il y a mis des tapons, il est revenu. On est à 10 sur le total, mais il a mis un but de la tête. Il était là encore en 2002. Corentin Martins, si, il est dedans. 17 buts, mais oui. 17 buts. 17 buts, on compte tous ceux après 2000, je pense pas. Mais si. Il est dedans. Roulian. Si, là, c'est bon, 2000. J'ai un compliqué. 99. Il est là en Ligue 2 et après, il est encore là en Ligue 1. S'il a bien. Cette année-là, Quelqu'un va avancer des montagnes. Wow. Un nom, vite. J'ai pas. J'y vais d'Arki. Pas moi? Ah oui, ça te va. C'est pas un nom, ça, il a pas marqué aucun. Ah merde. Je sais pas, Seca. Seca. Non, on a une réponse. Je trottine. Nuno de la Costa. Nuno de la Costa. Mais oui, tu as un très bon. Je voulais essayer. Julien Perrin. Yes. Tout à la tox. Ça commence à... Joueur, ton ami début. 5. Barco. Non, Guigues. Putain, j'en ai un. Je suis pas sûr du tout, mais je vais essayer Joao Paulo. Non. Ligue 2, non. Paulo, il n'est pas 10 buts. Non, il n'est pas 10 buts. Ah merde. Juste en plus. Ah, je sais. Moi, je sais, j'en ai un. Moi, j'ai une idée là. Julian. Nanasi. Je crois qu'il est dedans. Je suis sûr. Il a déjà marqué 10 cette année. Nanasi, il est dedans. 16 buts, effectivement. Il a marqué 10 buts cette année. Mais c'est sûr. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, hein. Mais 10, h Fernandez. Fernandez, hein. Fernandez. Habib Diallo. Habib Diallo, mais c'était le cinquième meilleur. Bien joué, je trouve qu'il y a une si bonne réponse. Hein. Ah, Alex Santos. Santos. C'est un Madjel Santos, il est dedans, je l'ai vu, Santos. J'en suis sûr. Genre 10 quoi. Santos 12 même. Ouh, 41. Digas. Paolo se concentre. Un nouveau. J'en ai plus, c'est mort là. Les dernières saisons ont été prolifiques, donc forcément il y a un attaquant qui a mis 10 buts. Ok. 5. Moreira. Okay. Ah merde. Non, j'essaie juste des joueurs que je connais. Moreira est pas bon. Il y en a des autres, mais. Paolo. Moi je vais essayer Alex Farnerud. Bonne réponse. Oh, Alex Farnerud. Ah, c'était sans conviction là, vraiment. Quoi. Au bout de 6 tours, hein, Strotti met en tête avec 6 bonnes réponses. Paolo, t'en as 5. Ah oh, putain, fou. Oui, 5 aussi. Alex, 4. Gigas, 3. Et là, 3. William. T'en s'en fous, on est dispecté. Te rassemble une bonne réponse. Il est fort, hein. J'ai fait marquer. Oh non, mais je suis là. C'est William alors, hein. Thomasson. Oui. Moi, je dis. Chaki Paya. Tu vois du fromage là, bordel. Deux veaux. Deux veaux, hein, ouais. Alex. Frontime pour gagner, pour remporter le quiz. Non, les beaux motiva. Ah, je vous dis bravo. Bravo. C'est une bonne réponse. Il vous restait qui? Abidira, il est vraiment bonne réponse. 11 buts. Gigas. Bellegarde. Bellegarde, il est pas dedans. Fauvergue, il est dedans. J'ai vu Fauvergue dedans. Bellegarde, 13 buts à Fauvergue. Comme 15 buts. Bonne réponse. Il y avait qui d'autre? Lala. Kenny Lala. Il y avait Kenny Lala. Pourquoi j'ai pas dit? On arrête là, c'est parce que t'as plus de pêche. Tu m'entends bien? C'est ça. Non, bah je sais pas. Marc Heller. Code. C'était celui qui a mis 18 buts, 18 buts. Il y avait Genji. Ah! Le fils. Candia Traoré est dedans aussi avec 12 buts. Il y avait Godot. Mais tu comptes les putains de France? Siki, ouais. Il y avait Siki, Bertin, Mao, Lala, Nantesaki, Aomo est dedans, Enchizo. Est-ce qu'il y a Billy Modeste, non. Il y a Ketke au fond de fond. Amara Diallé quand même. Hein. Ah, ouais. Ah, bah oui, Diallé. Et on a dit le gros sac, il faisait des. Et en plus étonnant, Bacilla. Bah, c'est j'y ai pensé, mais j'ai pas osé. Il y a Guillaume, hein, qu'on salue quand même. Baptiste Guillaume qui monte en Ligue 1 avec Le Mans en ayant joué. Il joue au Mans. Et le gros sac qui fait des galipettes. Et pourquoi on arrête d'un coup le jeu? Parce qu'il a gagné. Ah, il a gagné. Ça fait combien à 7 Il marque à Marseille au dernier match de la saison, ça sert à rien. On est exclu. Simon the Game. J'y étais à ce match. Et ça, c'est pas les mecs qui sont les voleurs. Ça, c'est des matchs historiques. Il y a Zoé, hein, on a parlé, hein, Zoé débute. Ah, il y a un œil. Et il y a Hervé Toum. L'illustre Hervé Toum, avec sa reprise de volée sur la glace. Bravo. Je pose une question Minitel pour partir. De Ross. Oui, De Ross, notre grand auditeur. C'est le dernier qui écoute à ce temps-ci. Ah, bah là, il est. Je voulais dire d'abord qu'on aime beaucoup Ross. Je voudrais rendre hommage. Surtout parce que je suis en train de chercher. À sa mère, mais ça peut en parler. Tout à fait, mais on va pas en parler ici. Une sainte. Une sainte, exactement. Je voudrais aussi dire que les Vosges sont une très belle, un très beau département. Alors. C'est le premier à avoir payé ses impôts. C'est pour ça qu'à Paris, c'est Place des Vosges. Ah. Un hommage au premier département après, donc en 1790. C'est le premier département à avoir payé les impôts. J'informe. C'est Jacqueline qui te l'a raconté ou c'est quelqu'un? Non, c'est écrit sur la plaque, je crois. Hashtag culture, hashtag Vosges. Alors j'ai regardé sur internet, je sais vraiment pas. Buse, je crois la vie en Vosges. Alors, Ross 3, sur Twitter, qui s'appelle, je vous le rappelle là-bas, Nicox, hashtag Blue. Pas de politique dans la tribune. Convivialité, tolérance. Et méga, ça commence bien. Ah oui. On peut s'arrêter là. Est-il le pire capitaine que le Racing ait connu? Ah, alors. Il y a Pesley. Pesley, il y a match avec Pesley. Ce crétin, Alexis Gilbert-Gress, dans une vidéo mémorable. Qui part de Strasbourg, qui atterrit et qui vomit sur le Racing. Non, sur Non, Martinez qui vomit sur le racine, sur le tarmac. Martinez, il a jamais été capitaine. Si, il a été capitaine une fois. Moi, je sais même pas qui c'est, Martinez. Pablo Martinez, il a vomi. Je connais que Bruno Martini. Il joue à Nîmes là-haut, mais grave. Il est arrivé sur le tarmac de Nîmes. La première chose qu'il a fait, c'est de vomir sur le racine. Alors moi je vais répondre à la question. Oui, merci William. Oui. Très bien. Parce que c'est le mec qui a un tel boulard, et le rôle de capitaine, c'est pas d'avoir un boulard. Et donc il a tout ce qu'il faut pour ne pas être capitaine. Vas-y, il part. Je veux répondre moi aussi. Alors. Et je dis oui parce que je ne me souviens pas des autres. Moi c'est pareil. Et moi je partage vos avis. Exactement. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus ou est-ce qu'on pose une autre question? Allez, dernière, mais c'est vraiment la dernière. Et vous verrez, c'est facile à répondre. Allez-vous regarder la finale? Non, tu vas répondre non, je te le dis tout de suite. Allez-vous regarder la finale de la Conference League? Non, moi je pense que oui, pour soutenir le Rayo, ce club magnifique. On a un non, on a un oui. Voilà. Je pense pas. Même pas mon rêve. Plutôt crevé. Franchement, ça... je sais pas quand c'est. Il y a le rediff de Koh-Lanta, c'est ça? Ouais. Mercredi 27. Hein. Bon, je pense qu'on pourra arrêter sur ça. Avant, j'ai envie de dire, surtout pour cette finale de Koh-Lanta. De la Ligue Conférence. Allez, merci. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que l'Alsace ne peut pas être une autre équipe que le Racing.